Puisse vraiment le Saint-Esprit venir équiper son peuple, sinon personne ne résistera à la séduction. Quelle est cette heure vraiment de grande obscurité que la terre connaît? Bien, avant d'aborder le quatrième pilier, permettez-moi de donner quelques paroles concernant un troisième mot, la grâce. Aujourd'hui, quand on rappelle une instruction biblique à certains anarchistes, ils vous balancent à la figure. Nous sommes sous la grâce, non sous la loi. C'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis. Pourtant, Dieu dit clairement dans Galates chapitre 5, verset 13, que seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et dans Luc de 1 Pierre chapitre 2, verset 16, il dit la même chose. Donc c'est pour cela qu'il est important de dire quelque chose à propos. Car le mot grâce est également une pierre d'achoppement pour plusieurs. On va lire quelques passages encore aussi. On va lire trois passages principalement. Donc, je vais prendre trois passages dans le livre de Romains particulièrement. Romains. Je vais parler maintenant du mot grâce. Donc, j'ai défini et montré dans la Bible que l'Église, le mot Église qu'on utilise aujourd'hui n'est pas la même chose que la Bible parle. J'ai pris le deuxième mot ministère. Le ministère, ce n'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. Je vais également dire le même maintenant pour la grâce, pour qu'on puisse saisir. C'est vrai que pour la grâce, c'est encore plus profond. Donc, on va y revenir dans un autre enseignement sur la loi et la grâce. Alléluia. Enfin, je vais dire les lois et la grâce. Donc, Romains au chapitre 5, les versets 20 et 21 disent: Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Sauveur. Alors maintenant, voici un moine qui a lu ce verset. Il a dit que wow, pour qu'il puisse avoir d'abondance de grâce, pour que la grâce abonde dans sa vie, il faut mieux qu'il pêche davantage pour que la grâce dépasse la zone. Plus il va pêcher, plus la grâce va vraiment abonder. Allez, il est mort du sida parce que la fornication ne le laissait pas. Chapitre 6. Que dirons-nous donc, à partir du verset 1, que dirons-nous donc quand nous demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Je ne sais pas si l'avez vu ce verset-ci. L'avez déclare, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc ces deux passages, depuis le chapitre 4, parlent de la grâce et ce que le péché avait fait, ce que la grâce, par la grâce de Dieu, nous avons maintenant. Or, nous commençons à voir maintenant ici que normalement, quelqu'un qui est délivré par la grâce de Dieu du péché a un enseignement qu'il doit avoir en lui, c'est que il doit s'éloigner davantage du péché. Il ne doit plus vivre dans le péché. La preuve que tu as la grâce, c'est la preuve que tu ne marches plus dans le péché. C'est aussi simple que possible. Alors, dans le livre de Tite, le dernier passage. Aujourd'hui, les gens prennent le pourquoi. Non, je suis sur la loi. Je ne suis plus sur la loi, on est sur la grâce. Il est plus désobéissant que l'âne. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Tite, chapitre 2. Donc, voici un endroit où on a bien donné clairement cela. Regardez, verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc, c'est la source de salut pour tous les hommes, c'est la grâce de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, tous les hommes sont sauvés, c'est par la grâce. On dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous pouvez lire ça encore dans Galates chapitre 5, verset 13. Elle nous enseigne la grâce. Écoutez bien, la grâce de Dieu. Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ouais, n'est-ce pas? Donc, la grâce a son enseignement, a un principe. Deux choses sont données dans la partie, dans le chapitre 2, le verset 12. Il dit, elle nous enseigne, un, à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Deux, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, l'enseignement, la grâce même, c'est encore une fois de plus là où il faut enseigner et comprendre le pourquoi même la loi avait été donnée. La Bible déclare dans ce Romains chapitre 5, on a lu que la loi a été donnée pour que l'abondance, le péché abondant. Donc, ici, la Bible nous déclare que la grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne. Donc, la grâce a un enseignement. Donc, quand tu dis que nous sommes sous la grâce, il faut que tu comprennes la gravité du fait que tu sois même sous la grâce. Parce que le péché pour lequel tu ne pouvais pas être sauvé, Dieu t'a sauvé par la grâce et il t'annonce maintenant une sainte vocation afin que tu marches dans la pureté, dans la sainteté irrépréhensiblement. Regardez les mots irréprochable, irrépréhensible. Suivez notre enseignement sur la sainteté extérieure de la femme. Nous, on en a parlé là-bas. La sainteté extérieure de la femme. Le standard pour vivre, pour être enlevé. Je crois que j'ai parlé dans cet enseignement-là. Donc ici, la Bible nous enseigne que la grâce a un enseignement. Et la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc tout ce que le monde fait, ce n'est pas parce que tu es libéré maintenant que tu peux faire n'importe quoi. Vous voyez? Ce n'est pas le libertinage. Comme dans ces 1 Pierre au chapitre 2, le verset 16, la Bible déclare qu'on n'utilise pas cette liberté comme un voile pour vivre selon la chair. Donc il faut qu'on fasse attention au niveau de la compréhension biblique. Donc un vrai enfant du Seigneur sait que la grâce lui indique le chemin d'une vie irréprochable, une vie irrépréhensible, une vie de plus en plus crucifiée aux choses de ce monde déchu. La grâce est donc la main tendue, le moyen que Dieu a disposé pour faire revenir les rebelles à son gouvernement. Je crois que j'ai expliqué un peu ce principe du gouvernement divin dans l'enseignement sur le voile de la femme. Voilà encore une autre notion qu'on tord aujourd'hui. Donc je crois que l'enseignement sur le voile de la femme, vous pouvez l'avoir également sur Bamba Iba, sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Femme, porte ton voile devant le Seigneur et laisse ce que les prédicateurs te disent. Il n'y a pas le temps de parler de tous ces enseignements ici. Mais Dieu voulant, peut-être on va y revenir, on va faire un détour par rapport à ce voile-là. Commençons par lire donc le Nouveau Testament, dans quelques versets, puis étudions la pensée du Seigneur derrière ces passages. Je prie que le Saint-Esprit te parle personnellement dans ces versets. Amen. Souvenez-vous que je parle de la place et le rôle de la femme sous la grâce et donc dans l'Église. Car c'est au travers de l'Église que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaîtront la sagesse infiniment variée de notre Dieu. Amen. Comme le dit dans ce livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Donc nous allons commencer maintenant dans le vif du sujet. Le décor est planté. Nous avons défini, redéfini l'Église selon Dieu, le ministère selon la Bible, puis la grâce selon Dieu. Toutes ces trois choses-là sont connectées et sont liées. Souvenez-vous de la dislocation entre les deux alliances. La similitude qu'il y avait dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, les choses qu'il y a dans l'ancienne alliance et c'est à quoi ça se reporte dans la nouvelle alliance. Souvenez-vous, j'en ai parlé. Trois choses dans l'ancienne alliance. Prêtrise, sacrifice, temple. Dans la nouvelle alliance, tout se trouve réuni en Christ, Jésus-Christ. C'est très important. Et si on comprend tout ça, on comprend pourquoi dans Jean 4, il dit que Dieu est esprit, il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et curieusement, on prêche ça tous les jours. Mais on vient dire que ne venez pas dans la maison de Dieu ici. Et la maison de Dieu, c'est le corps. Mais c'est terrible. Donc, commençons au commencement. Éphésiens. Nous entrons maintenant dans l'étude sur la place et le rôle de la femme sous la grâce, donc dans le Nouveau Testament. Éphésiens, commençons. Éphésiens. Il n'y a pas un meilleur verset plus qui peut vraiment planter le décor comme c'est Éphésiens. Souvenez-vous de la musique que je vous ai laissé suivre là tout à l'heure. Nous allons entendre au sortir d'ici ce qu'il en est. Éphésiens chapitre 5, lisons à partir du verset 22. Nous avons lu ça tout à l'heure. Nous allons lire jusqu'au verset 24 et nous arrêter. Ou bien, pardon, jusqu'au verset 32. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 34. Lisons. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est sauvé et dont il est le sauveur. Bien aimé dans le monde entier, je ne sais pas si je vois ça seul. Voici le verset 12-22 commence par « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Donc tu te soumets à ton mari comme si tu étais de soumettre à Jésus. C'est terrible. C'est terrible qu'une femme peut servir Dieu, dit qu'elle sert Dieu et elle entre désobéir du même Dieu. Verset 11, verset 24. « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent souligner le verbe devoir. » Souligner. « Les femmes doivent aussi... » Regardez bien. Verset 24. « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Souligner. Doivent l'être. Comme l'Église est soumise à Christ, ainsi les femmes doivent aussi l'être. Doivent. On n'a pas dit les femmes peuvent l'être. Les femmes doivent. Nous sommes dans le Nouveau Testament, là, mes chers amis. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Les femmes doivent l'être aussi, doivent l'être à leur mari en toutes choses. Après, on dit, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous voyez, si on croit que l'église c'était la maison, c'est que c'est la maison, je ne sais pas quelle maison de toutes les dénominations que Jésus va venir devant lui avec, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Écoutez bien, verset 32. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, bien aimé, il y a un mystère entre l'homme et la femme. Il y a un mystère entre Christ et l'Église. Et le mystère de Christ et l'Église implique automatiquement l'homme et la femme. C'est pour cela que je remarque que tous les mots, toutes les places mystérieuses dans la Bible, ou bien tous les mystères que Dieu avait en lui-même, tous les mystères, souvenez où les mystères sont les secrets cachés que lui il a prévus. Donc tous ces mystères-là, c'est un problème déjà pour l'humanité. Le mystère de l'incarnation de Christ, le mystère du rejet d'Israël, le mystère de réintégration d'Israël, le mystère d'intégration de la grâce aux païens pour intégrer le corps, le mystère de l'iniquité, le mystère de la divinité de Jésus-Christ, donc l'incarnation de Dieu vivant, le mystère, oh mon Dieu, oui, de la piété, c'est ça donc les questions, le mystère de cette femme de Apocalypse chapitre 17, dans le mystère de Babylone. Vous voyez, toutes ces choses-là, lorsque c'est donné un mystère, il faut la révélation pour y entrer. Et la Bible déclare ici donc que ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est pour dire que ce n'est pas simple. Voilà pourquoi il y a tellement d'embrouilles aujourd'hui. Mais pourtant, en allant dans la Bible, dans la simplicité, on parvient à voir cela. Donc, d'entrée, nous allons revenir dans ce passage-ci. Et très souvent, je vais citer parce que c'est vraiment long là. D'entrée, nous voyons ici que le commandement est donné pour que les femmes soient soumises à leur mari. Il y a aussi les commandements pour les maris, mais nous nous intéressons dans cet enseignement pour les femmes. Donc, nous allons lire tous ces passages, les passages qu'il vient donner, et nous allons ressortir quelques points qui nous frappent aux yeux. Prenons Colossiens, chapitre 3. Colossiens. Le chapitre 3, le verset 18. Le Colossiens chapitre 3, verset 18 dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Donc, dans le Seigneur Jésus, si je dis que tu es en Christ, il y a une façon qu'une femme doit se comporter à vos maris. Donc, l'aiguille vient chaque fois, la puissance de la parole de Dieu vient pour ramener la femme qui est chrétienne. Souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure là que c'est à l'église qu'on doit interroger pour savoir, c'est au travers de l'église qu'on doit connaître ces desseins de Dieu là. Donc c'est à l'église qu'on doit observer cela. Et curieusement, c'est à l'église qu'on voit plus de désobéissance, comme on voit tout à l'heure là. Donc nous voyons ici que les femmes doivent être soumises à l'homme, à leur mari. C'est le verset 18 qui nous dit dans Colossiens chapitre 3. Avançons maintenant dans le livre de Matthieu chapitre 5. Lisons le verset 28. Regardez, vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère, un adultère avec elle dans son cœur. Donc, vous voyez, ici, on parle de l'adultère. On dit que la femme doit bien s'habiller parce que si elle prête le problème à l'homme, elle-même, elle a commis l'adultère. C'est-à-dire combien de femmes ont déjà péché. Je crois qu'il y a un enseignement sur la sainteté extérieure de la femme là. Et on va continuer cette série-là. Je vais seulement vous lire les passages pour que vous compreniez que l'heure est grave pour vous, les femmes. Prenons le livre de Tite, chapitre 2. Donc, nous allons lire ces passages et puis nous allons parler maintenant en plein sous la loi, sous la grâce. Tite, maintenant, chapitre 2, verset 5. Nous allons y revenir au sortir de cet enseignement. Tite, chapitre 2, le verset 5 dit: à être retenue chaste, occupée aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari. Voilà encore ça, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Que si la femme n'est pas soumise à son mari, la parole de Dieu sera blasphémée. On continue. 1 Pierre chapitre 3, que nous avons lu à l'entrée ici aujourd'hui. Donc prenez 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6. Nous avons lu ça ici à l'entrée aujourd'hui. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. C'est terrible. L'apôtre Paul a parlé. L'apôtre Pierre parle maintenant. Écoutez, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns Donc l'apôtre Pierre amène une autre révélation ici. Il apporte une autre révélation ici en disant que la soumission de la femme peut arriver jusqu'au niveau où ça transforme son mari. C'est terrible comme voie pour Dieu pour transformer les cœurs. Femmes, soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. Donc vous voyez ma femme, mes femmes là, ce n'est pas en bavardant, tu es un païen, tu dis à ton mari que tu es un sorcier, tu es un païen. Oh, je me souviens de ces colonels-là dans mon pays qui, lors des passations de son grade, sa femme était dans une dénomination pentecôtiste, sa femme passait carrément les nuits dehors avec le pasteur. Elle quitte la maison pour aller laver les habits du pasteur, prépare chez le pasteur et son mari, Dieu merci pour cet homme-là qui n'a pas pris les militaires pour aller bombarder cette dénomination. Oh oui. Il aurait certainement raison. Parce que la femme a quitté sa place en croyant que c'est en se servant dans cette prison qu'elle a desservi son mari. Et beaucoup d'hommes se plaignent dans leur maison, dans leur foyer, du fait que les femmes quittent pour aller dans les lieux de culte pour prier. Et ils croient peut-être qu'en désobéissant au mari, en venant au lieu de culte, ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Femme, la Bible vous demande de vous soumettre à votre mari. Soumettez-vous à vos maris. C'est ce que la Bible recommande. Et cet homme-là expliquait lui-même la Bible. Le colonel expliquait la Bible à sa femme en disant, est-ce que c'est ce que votre Bible vous apprend? Et il avait raison. Et le pasteur et la femme avaient tort. Mais curieusement, ils croient qu'ils ont raison. Donc, il laisse son mari à la maison. Il va préparer chez le pasteur. Quel genre d'église nous servons aujourd'hui? Dans la Bible déclare ici, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est terrible. Par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. On va dire ça aux chrétiens d'aujourd'hui. Les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais on dit clairement que n'ayez pas ceci, mais voici ce qu'il faut avoir, verset 4. Donc une femme sainte, une femme qui court à la sainteté, qui désire être à la place de Dieu, prendra le verset 4, le verset 1, le verset 4, verset 1, 2 et 4, et s'attellera à accomplir, que ça s'accomplit dans sa vie. Verset 4 dit, mais la parure, il dit, ayez non ceci, mais ceci. Vous voyez, ayez non cette parure, mais ayez plutôt ceci, ce qui veut dire verset 4, mais ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Femme, si tu respectes ces conditions, le verset 4, même toi qui prêches la parole à la femme là, lève le doigt, tu dis que tu as cet esprit-ci. C'est un défi que je te lance là maintenant. Donc, toi qui m'écoutes maintenant, si tu es une femme, regarde le verset 4 encore. Mais la parure intérieure, ayez plutôt la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. La Bible déclare qu'il est d'un grand prix devant Dieu. Donc, une femme qui est digne de ce nom va voir qui est d'un grand prix devant Dieu, s'attellera à avoir ceci pour que Dieu puisse l'apprécier. Je vous pose encore la question. Vous qui m'écoutez, qui parmi vous respecte les conditions? Je dis les femmes, le verset 4. Je vous lance le défi. Allez là-bas avec ce verset 4 et confrontez votre cœur. La Bible déclare au verset 5, ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Vous avez vu? Donc tout à l'heure, nous sommes allés sur la loi, nous avons vu qu'il n'y a pas un verset qui soumettait, qui montrait que la femme doit être soumise, ou qui disait que, littéralement que la femme doit être soumise sur la loi. Mais avec les principes, nous avons vu que les femmes, malgré qu'on les traitait comme ça, ils ne se plaignaient pas. Ils ne défilaient pas comme les gens de cette époque, si on la liberté et qui peut descendre dans la rue pour gréver. Ils ne faisaient pas, les femmes n'en faisaient pas de cas. Amen. La femme reconnaissait l'autorité qui était sur eux en tant qu'homme, même sans la loi. Mais c'est terrible. Il dit, ainsi séparé, verset 5, autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Donc les saintes femmes qui espèrent en Dieu sont soumises à leur mari. C'est un défi pour toi. Je m'adresse aux femmes de l'église. Verset 6, comme Sarah qui obéissait à son mari et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien. Même les pasteurs eux-mêmes et les pastrices, entre les femmes, ça ne se voit pas. Ils viennent faire les façades alors que à l'intérieur de la maison, ça ne va pas. La femme ne peut pas parler. La femme gronde même. D'autres femmes disent même que c'est eux qui ont eu la vision pour le ministère. Donc c'est eux qui sont la pasteur, la femme qui porte le pantalon à la maison. Femme, il faut que tu te trouves à ta place. Rentre doucement à ta place. Reviens traiter ton cœur avec le verset 4 ici. Donc la Bible déclare que tu dois appeler même ton mari ton Seigneur. Tourne-toi un peu vers ton mari et dis, mon Seigneur voit. Si tu ne vois pas aussi, il y a l'orgueil sur ton cœur qui t'arrête toujours. C'est là le signe que ton cœur n'est pas transformé. Parce que Sarah le faisait naturellement. Parce qu'on dit, elle servait Dieu. Elle craignait Dieu. On dit, ainsi, c'est par autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles espéraient en Dieu. Donc, elles espèrent en Dieu. Et par conséquent, elle se soumet à son mari, sachant que son mari est son chef parce que toute autorité vient de Dieu. Amen. Donc voilà pour 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 6. Allons dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 1, 11. Je crois que j'ai développé ceci. Dans ces 1 Corinthiens, nous avons traité le cas de voix dans le voile, l'ABC de la femme. Voilà le ABC. L'ABC de la femme, c'est le port du voile. Souvenez-vous, dans ces ABC de la femme, vous comprenez maintenant le titre, vous allez comprendre. L'ABC de la femme, donc le B à bas que la femme doit connaître, et particulièrement dans l'église, c'est porter le voile pour prier ou pour prophétiser. Et la Bible déclare, comme on va voir ici là maintenant, que c'est le signe même pour montrer qu'une femme est soumise. Donc si tu vois une sœur, tu dis que tu es une sœur chrétienne, tu ne peux même pas prier avec la femme, ça montre que le caractère d'insoumission qui est en toi. Si tu veux maintenant te sortir quand on laisse, si tu veux, tu mets ta tête au rail. C'est ce que la Bible déclare. 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible déclare, je vais lire le verset 2 et suivant, jusqu'au verset 16. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Vous voyez, l'apôtre Paul veut que les instructions qu'il donne, qu'on les retienne comme ça. Il louait les Corinthiens parce qu'il tenait à son instruction. Il dit, je veux cependant, verset 3, que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Vous avez vu, ce qu'il a écrit aux Corinthiens. Ce qu'il a écrit aux Corinthiens, c'est la même chose qu'il a écrit dans Éphésiens chapitre 5 que nous avons lu aujourd'hui. Il dit que c'est que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Vous avez vu, encore la même chose. Et que Dieu est le chef de Christ. Verset 4, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Vous voyez? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux alors. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. C'est terrible avec l'église catholique et autres, avec les papes désobéissants des papes là. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. La femme a été créée à cause de l'homme. Trois choses. 1. La femme est la gloire de l'homme. 2. La femme a été tirée de l'homme. 3. La femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi, à cause de ces considérations, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc la preuve que tu es sous une autorité, c'est la marque que tu as sur la tête. C'est ce qui est écrit. Elle a vu le cas que ta soumission, ton autorité, ton obéissance dépend de cela. C'est ce qui est écrit là-bas. C'est pourquoi la femme doit, à cause des gens, doit, pas une option, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Verset 11, toutefois, dans le Seigneur, nous sommes en Christ maintenant, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, bientôt, de toute façon, on va voir le cas des gens qui disent qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Verset 13, verset 12, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Verset 13, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Lorsqu'on commence à lire comme ça, les gens commencent à philosopher en disant que c'était pour le Corinthien. Comme si Dieu avait créé seulement l'homme Corinthien et la femme Corinthienne, ou bien seulement eux qui prient, prient Dieu. Il dit verset 13, juste en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est terrible, répondez à cette question. Est-ce que vous priez Dieu sans être voilée? C'est terrible, est-ce que c'est normal? Alléluia. Verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? J'ai dit, les questions de cheveux, voile, c'est traité dans l'ABC de la femme, le port du voile. Donc, verset 15, mais que c'est une gloire pour la femme? Non, j'ai sauté. Verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Je vous rappelle que je suis en train de lire dans la version de Louis II. Verset 16, enfin. Si quelqu'un se plaît à contester, écoutez bien, et nous allons revenir sur ces versets de temps en temps. Si quelqu'un se plaît à contester, l'apôtre Paul savait que ça ne devait pas plaire aux gens. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. L'apôtre Paul dit clairement que parmi les apôtres et les églises du Seigneur, il n'y a pas de contestation. Donc ça veut dire que si quelqu'un rejette ce que l'apôtre Paul a dit ici, un, il n'est pas de l'église de Dieu. Il ne peut pas être appelé de l'église de Dieu. Et il a de contester ce que Dieu a dit. Amen. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Lisons un autre passage, puisque nous sommes dans 1 Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Vraiment, vous allez vraiment vous fâcher maintenant, mais ce n'est pas moi qui le dis. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 26. Verset 26. Que fait donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Je vais m'arrêter ici pour vous dire quelque chose, un pas dans le fait que j'ai dédié, parlé du ministère et de l'église tout à l'heure. La Bible parle dans le verset 26 de l'ordre, comment le culte va se dérouler. Il dit, que fait donc frère lorsque vous vous rassemblez? C'est réglé pour l'église. Mais aujourd'hui, chacun a son programme de culte. Il y a des gens qui ont le fil conducteur de leur culte. On chante les louanges, après on passe à l'adoration, on donne les offrandes, on donne les dîmes, et puis on y a 45 minutes de prédication, puis on danse un peu, on se donne 7 écoutes, et puis on rentre. Et c'est comme ça la routine chaque année. Chaque jour, chaque dimanche, chaque jour qu'ils font leur cérémonie de danse nocturne et du jour. Mais la Bible dit ici comment l'écriture, l'assemblée des saints se déroule. Avec d'autres écritures encore en connexe. Il dit, que fait donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres ont-ils, parmi vous, ont-ils un cantique? Donc, nous voyons très bien que dans l'église du Nouveau Testament, le fonctionnement est différent d'ici, parce que ici, chacun pouvait donner un cantique, chacun pouvait donner une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Mais, regardez, aujourd'hui, ça se passe, il y a un groupe de louanges, un groupe de chorales, c'est pas le temps d'entrer là dans ces choses, sinon ça va nous éloigner de notre but ici là. Mais ce qu'il veut dire, c'est que le fait qu'on a pris l'église, on a mis en bâtiment, il faut qu'ils trouvent des programmes pour pouvoir maintenir les choses. Et ils ont quitté le cadre de l'église, comme la Bible le dit. Maintenant, verset 27, en est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent. C'est grave encore chez les pentecôtistes aujourd'hui. C'est chacun qui verse. Et voilà le commandement, voilà ce qu'il dit. Voilà la recommandation du Saint-Esprit qui dit que deux ou trois au plus parlent. Ce qui est vraiment curieux, c'est qu'ils disent qu'ils parlent en langue. Et le parler en langue est développé ici dans ces 1 Corinthiens. Il rejette 1 Corinthiens parce qu'il dit que c'était une affaire culturelle. Et il ne laisse pas la culture des langues aux Corinthiens. Il parle aujourd'hui. Donc si tu parles dans ces langues charabiaristes là, alors 1 Corinthiens t'est adressé, même si tu fuis en disant que c'était une question culturelle. Si ta culture se parle en langue, alors la même chose t'est adressée ici. Il dit, en est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Mais c'est terrible aujourd'hui comme deuil. Après qu'on va venir fermer leur dénomination, ils vont dire qu'on pense que l'église de Dieu, ce n'est pas l'église de Dieu. Vous faites des bruits. Vous êtes l'église bruitière. Donc, verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Verset 29. Pour ce qui est des prophètes, j'arrive là. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Verset 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Il y a un point maintenant, ça commence. Écoutez bien. Écoutez très bien. Comme dans toutes les églises des saints, je crois que le verset ci doit être souligné. Souligné, mettez l'emphase sur ce verset. Ne quittez jamais ce verset dans votre pensée tout au long de cet enseignement. Comme dans toutes les églises des saints. Donc, si tu dis que c'est l'église des saints, prenez le chapitre 7 de ce même 1 Corinthiens, au verset 17 de la partie, c'est où il dit que c'est comme ça qu'il enseigne dans toutes les églises. Timothée va reprendre cela. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17 aussi. Il dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc les femmes doivent se taire dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donc l'apôtre Paul nous a parlé ici, il dit que la femme doit se taire, comme il dit dans toutes les assemblées des saints. Après, il dit que c'est même la loi le dit. Quand on a le texte, là, lorsque nous parlons de la loi. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il faut donc que le mari aussi soit prêt à répondre aux paroles bibliques. Combien sont-ils aujourd'hui qui lisent la parole? Même les pasteurs eux-mêmes ne lisent même pas la Bible, prennent les documents des gens qui ont écrit pour aller lire les prospérités à l'église. Que Dieu vous vienne en aide. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Soulignez encore ça. Car il est malsain à une femme, pas à la femme de Corinthe. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, il dit d'abord, oh, il dit que vous pensez que c'est seulement chez vous que la Bible est proche. Vous pensez que vous avez atteint où? Vous êtes même plus que le qui? C'est ce qu'il veut dire. Vous pensez que c'est vous qui êtes l'original ou que c'est vous qui êtes le premier? Vous n'êtes pas le premier. Il veut dire clairement que la même parole est prêchée partout et Dieu a les enfants partout. Verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et un commandement du Seigneur transcende les cultures, les barrières, le temps. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Dans la version de Thomson, il est écrit là-bas, si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Donc nous allons nous arrêter là-bas. Nous avons lu Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 32. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6. Colossiens chapitre 3, verset 18. Tite chapitre 2, verset 5. On va revenir dans quelques-uns de ces versets. Nous avons lu 1 Corinthiens 11, verset 1 à 16. Nous avons lu le chapitre 14 aussi, verset 26 à 37. C'est ça qu'on vient de lire. Nous avons lu Matthieu chapitre 5, verset 28. Nous avons lu tout à l'heure, là, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, où il est écrit que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons lu Matthieu chapitre 5, verset 28. Lisons maintenant deux autres passages avant d'arrêter et commenter. 1 Timothée chapitre 2, le fameux. 1 Timothée chapitre 2, verset 9, 8 à 14 même. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je vais commencer par le verset 8. Jusqu'à 15. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. C'est terrible. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Souvenez-vous dans 1 Timothée, l'épître de Timothée écrit comme ça, il s'est adressé aux Éphésiens. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car, il revient au commencement, car Adam a été formé le premier. Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle, la femme, sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Amen. Alors au chapitre 5, je crois que tous ces versets vous en avez noté parce qu'on va les parcourir maintenant, on va les développer maintenant. Lisons le chapitre 5 et voyons, parce qu'il y a quelques passages avant qu'il parle de ces femmes-là encore. La Bible déclare à partir du verset 1, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute purité. » Donc vous voyez, quand la Bible appelle, il sait que Timothée, la propos c'est que Timothée est jeune. Il sait qu'avec les jeunes filles, ça ne sera pas facile dans l'assemblée. Il dit celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Donc il a parlé de se méfier de la fornication avec les jeunes filles. Combien de jeunes pasteurs aujourd'hui couchent avec les filles, promettent des mariages à gauche et à droite? C'est pas le temps de parler de ces choses-là. Nous allons parler du péché sexuel, de la masturbation, de la pornographie et tout cela au milieu chrétien. Et de la façon de se séparer par rapport au Seigneur. Verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Écoutez très bien, même étant veuve, elle crée problème. Si une veuve a des enfants, ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve, qui est demeurée dans l'isolement, c'est-à-dire qui n'a pas connu d'autres hommes, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivant. Vous entendez sa femme? Donc, si tu vis dans les plaisirs, même si tu crois que tu es vivant, que tu joues la vie, tu croques la vie, là, la Bible déclare que tu es mort. Même si, comme tu es avec tes yeux ouverts, comme le. Vous savez, le ceci de poisson qu'on arrête, qu'elle fait sortir du filet, c'est fixe là, mais ses yeux sont ouverts. C'est comme ça que vous êtes là. Il dit, déclare-leur ces choses. C'est ce que je viens de faire, Seigneur. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Vous comprenez? Voici pourquoi le Nouveau Testament. Donc, la Bible déclare dans le Nouveau Testament, sous la grâce, qu'il faut qu'on vous déclare ces choses-là afin que vous soyez irréprochables. Donc, voilà le but du Nouveau Testament. Voilà pourquoi Jésus est venu, afin qu'on soit dans la volonté parfaite du Seigneur. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. Ayant élevé des enfants, écoutez bien, femme là, exercez l'hospitalité. Laver les pieds des saints. Donc, est-ce que tu as-tu déjà lavé depuis que tu es chrétien? As-tu lavé le pied d'un chrétien? Laver le pied des saints. Secourir les malheureux. Pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Je ne sais pas si les femmes ont déjà fait ce travail jusqu'à ce qu'ils sont allés au pupitre. J'arrive. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. C'est-à-dire que le mari est mort, il a dit non, je ne me marie plus, Ils sont en Christ, ils veulent prier Christ. Mais quand quelqu'un me dit que tu es belle, elle commence à mettre encore le rouge à lèvres, la voilà quittée. Et se rendre coupable en ce qu'elle viole leur premier engagement. Avec cela, étant, écoutez très bien, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Où est la mère? Où est la femme? Non. Je veux donc que les jeunes, en fait ici, dans lui, selon les jeunes, il fallait saluer les jeunes veuves parce que c'était donc qu'ils semblent de parler. Voilà pourquoi là le contexte, les jeunes veuves, parce qu'ici, il a dit parler des jeunes qui sont veuves, mais ils sont veuves et jeunes, ils mangent de maison en maison. Il dit, je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Soulignez, dirigent, elles dirigent leur maison. Elles dirigent leur maison. Qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de médire. Est-ce que vous comprenez, mes chers femmes? On va revenir ici lorsque je vais expliquer la dernière partie de cet enseignement. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Vous entendez, les femmes? Ah, c'est terrible. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Amen. Donc, nous avons parcouru les chapitres, le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 32, 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 6, Colossiens, chapitre 3, versets 18, Tite, chapitre 2, versets 5, c'est Tite, chapitre 2, particulièrement, on va y revenir, 1 Corinthiens 11, versets 1 à 16, 1 Corinthiens 14, versets 26 à 37, 1 Timothée 5, versets 1 à 16, Matthieu 5, verset 27 à 28. 1 Timothée 2, verset 8 à 15. Et nous avons brossé également 1 Corinthiens 12, verset 13. Voilà les versets dans le Nouveau Testament, de façon sommaire, qui brosse là. À la lecture de tous ces passages, il ressort donc quelques points clairs qui nous sont présentés comme la pensée du Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est la pensée de Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, que tu dis, que tu en es servi, ou bien que tu veux servir, ce sont ces pensées qui sont dites ici. Et nous allons recevoir quelques points. La première chose, c'est la femme doit être soumise à l'homme. C'est ce qui est écrit. On a lu ça littéralement dans Éphésiens, dans 1 Pierre, dans Colossiens, dans Tite, dans Timothée. On a lu tout cela. Premier point, la femme doit être soumise. Bon, voilà la pensée de Dieu dans tous les versets qu'on a lus. Deuxième point, la femme a pour chef l'homme. C'est l'autre point. Troisième point, elle doit dans la prière et la prophétie parler, porter un voile, signe de sa soumission. La Bible montre ici que l'on peut reconnaître une femme qui est soumise à son voile, avec un esprit doux et paisible. Voilà qui ferait vraiment descendre dans la rue tous les groupements de féminisme, et tous les groupements féministes. L'autre point, c'est qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner les hommes sous aucun prétexte. Pour ce cas particulièrement, je reviens dans un instant où on va procéder dans le Nouveau Testament. L'autre point maintenant, c'est sur le 14, le cinquième point, elle doit être silencieuse en assemblée. Sixième point, elle doit être bien habillée, tenue chaste, pas de luxure, pas d'ornement. Dans Deutéronome 22, il va plus loin en disant qu'elle ne doit pas porter le pantalon. Combien sont ces femmes-là aujourd'hui qui ne veulent pas entendre parler? Serrez vos derrière comme le saucisson là, emballé, et dites que vous avez de la valeur, que vous vous montrez en valeur. En fait, vous êtes, comme la Bible déclare, c'est 1 Timothée 5, vous êtes déjà détourné pour suivre Satan, vous êtes entre ses mains. Bombe de destruction massive. Vous balancez vos postérieurs comme ça là pour envoûter les fils de Dieu. Donc, souvenez-vous encore des paroles du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 28, verset 20. Amen. Il a dit à ses disciples là-bas que enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. Et Paul aussi le dit dans 1 Corinthiens 37, verset 30, chapitre, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37, que si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 16, qu'on a lu là-bas, il a dit que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas non plus comme les églises de Dieu. Donc dans 1 Corinthiens, dans 1 Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, la partie A, il dit que celui donc qui rejette ces préceptes-là ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Amen. Je sais que les épîtres de Paul, et particulièrement les thèmes et révélations qu'il a prêchés par rapport aux femmes, ne sont pas populaires aujourd'hui, même dans les milieux de ceux qui prêchent la Bible. Voilà pourquoi il y a tant de raisonnements diaboliques sur la prédication de Paul. Laissez-le vous dire encore ceci. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3. Disons 1 Corinthiens chapitre 3. Si sa parole ne vous plaît pas, que ça ne vous plaise pas, mais les suivants le dit quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 et 11. Écoutez très bien. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc remarquez, on va bâtir au-dessus de ce qu'ils ont fait, pas à côté. On ne doit plus faire une autre fondation. Et dit verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Soufflez encore d'entendre sa voix dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16 dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Amen, amen. Je connais tous les raisonnements des antipôles. Voilà pourquoi dans quelques instants, je vais vous passer au scanner de la Bible tous ces raisonnements anti-bibliques issus des écoles bibliques qui ne sont pas bibliques. Mais avant d'aborder cela, je vais dire ceci. Depuis la création, puis après la chute, et ensuite sous la loi, la place de la femme n'a pas bougé d'un seul pas, car c'est Dieu qui révèle le plan au complet. Maintenant, considérons vraiment dans la profondeur de la prophétie dont elle fait état. En effet, la femme est un type d'église épouse, comme on a lu dans Éphésiens chapitre 5. Il dit, femme, soyez soumise à votre mari comme l'église l'est soumise à Christ. Où elle est, n'est-ce pas? Donc, souvenez-vous que la femme prophétise. Souviens-toi, femme, que tu as une prophétie par rapport à l'église. Je vous pose donc les questions suivantes, en considérant ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 32 et 1 Corinthiens 11. 1. Première question. Christ peut-il être l'égal de l'Église? Ne confondez pas être un et être égal. La deuxième question, je pose encore la question, je demande si Christ et l'Église sont égaux. La deuxième chose que je pose comme question, c'est Christ doit-il donner une instruction à son épouse et elle refuse d'obéir? Ou mieux, je pose encore la question avec le verbe pouvoir. Christ peut-il donner une instruction à son épouse et elle refuse d'obéir? La troisième question que je pose, c'est entre Christ et son épouse, qui conduit qui? À chaque réponse, reprend la même question pour l'homme et la femme. Parce que, souvenez-vous, dans cette égalité, dans cette similitude, dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 32, on parle de Christ et l'Église, et puis on parle de l'homme et la femme. Donc, c'est pour ça qu'il dit que, à chaque réponse, chacune des réponses que de ces questions que je t'ai posées, reprend la même question. Tu places Christ, l'homme à la place de Christ et la femme à la place de l'Église, et tu vois la réponse. Amen. Donc, Dieu, en initiant et en instaurant les principes de son gouvernement, a décidé dans son conseil que l'homme est le chef de la femme. Femme chrétienne, ne te soumets pas au monde en te trompant toi-même par des faux raisonnements, car Dieu t'appellera à lui rendre compte. Lisons Marc chapitre 4, verset 23 et 24. Verset 23 dit, Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Verset 25 enfin, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc, femme, faites attention. Mes femmes, là, faites attention. Mes femmes, faites attention. Alléluia. Donc, lisons un cas dans la Bible, mais chez les païens. Ou mieux, je peux citer cet événement. Vous remarquez, non, lisons Esther au chapitre 1. Esther. Donc, femme, quitte vraiment le monde. Quitte le monde et reviens à Dieu. Quitte le monde et reviens à Dieu. Quitte les principes de la nuit. Commence par raisonner. Chapitre 1 de Esther, verset 10 et suivant. Je vais dire à partir du verset 10 et puis je pourrais couper pour expliquer. Regardez le verset 10. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuzam, Bista, Harbona, Bita, Abagta, Zeta et Kaka, les sept eunuques qui servaient devant le roi Ahasuerus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale. Vous voyez, voici le type de l'église même qui, avec ses sept messagers, doit préparer la femme du roi Jésus-Christ pour la lui présenter. Vous voyez, bon, on n'a pas le temps d'entrer là-dedans maintenant. Il dit, verset 11, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. C'est terrible. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 11, verset 22, qu'un anneau d'or au nez d'un pouceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Donc, la Bible déclare ici, verset 12, mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Souvenons-nous, le roi est son mari. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Kachéna, Shektav, Adamta, Tarsis, Meres, Masséna, Memoukan, sept princes des Perses et des Médis qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Il dit donc, quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Ahasuerus lui a ordonné par les eunuques? Memoukan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas, écoutez très bien mes chères sœurs, mes femmes là, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Ahasuerus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Écoutez bien. Elle est portée à mépriser leur mari. Soulignez le verset 17. Elles diront, le roi Ahasuerus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Vous voyez, et ça va contaminer les femmes. Les femmes. On va maintenant dire que la première dame a raboué de son mari. Toi, tu es qui ici? Un pousseur comme ça. Et dès ce jour, les princesses des Perses et des Médis qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. Elle déla beaucoup de mépris et de colère. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu, mes chers amis? Ça, sachez les païens. Écoutez bien. Verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Ahasuerus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Soyez attentivement, on parle des femmes là. Le simple fait qu'elle a manqué de se soumettre à son mari, elle a été destituée, et une autre va prendre sa place. Quel exemple! Et c'est chez les païens ça, c'est terrible. Verset 20. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memoukan. Verset 22, il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que, écoutez bien, toute femme, elle portait que, voici le contenu de la lettre, que tout homme devrait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Quel exemple pour nous. C'est merveilleux seulement. Méditez vraiment, mes chers soeurs, sur cette écriture. Méditez vraiment. Le simple fait qu'une femme a dit ah à son mari, il ne vient pas y déranger, il a bu sa boisson, il a saoulé, il vient déranger les gens. Il vient me présenter ici une chose, ici sa chose, ça a poussé à ce qu'on la destitue. Et vous voyez que même les lois humaines étaient dans la parfaite ligne droite ici avec la volonté de Dieu. Donc le fait que l'on montre la position de la femme, position où son créateur l'y a placée, ne veut pas dire qu'on fait la discrimination. Non, non, non, non, non, non. En plus de cela, cela ne diminue rien à la qualité que le Seigneur lui a accordée dans sa sagesse. Donc c'est l'ordre dans le gouvernement que Dieu lui-même a établi. Je le répète encore, Dieu. Dans son gouvernement, a voulu que l'homme soit chef de la femme. Le simple fait de créer l'homme en premier fait de lui le conducteur par droit divin. Amen. Contrairement à ce que celui-ci a affirmé dans la musique tout à l'heure en disant qu'il est venu changer l'identité de la femme. Vous entendez? Jésus n'est pas venu changer l'identité de la femme. Voilà quelqu'un qui en transe par la présence de ces filles de Jézabel, commence à blasphémer. Car il sait qu'au concert musical, comme partout d'ailleurs, les femmes sont les plus nombreuses. Alors, il a sous ses yeux les formes de ces filles sexy appelées sœurs en Christ. Il succombe et commence à débiter des sottises en délivrant des blasphèmes et porte atteinte à la parole de Dieu. La femme en tant que personne, amen, je dis la femme en tant que personne est entièrement identique. Alors, je le répète et je répète encore, en tant que personne, elle est identique à l'homme. Mais dans le gouvernement de Dieu, le Dieu du ciel, la hiérarchie est fixée par lui pour montrer clairement la relation entre Christ, le Fils de Dieu, et son épouse, l'Église. Cette hiérarchie fixée par Dieu a un principe clair. Elle stipule que l'homme est le chef de la femme. Et pour que l'harmonie demandée par Dieu subsiste, il faut que chaque partie accepte la place à lui assignée. En fin de compte, nous nous trouvons dans la grâce. Et sur cette grâce, le plan de Dieu devient clair quant à la position de la femme. Pêle-mêle dans le Nouveau Testament, nous avons lu cette voix du Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est là un commandement clair qui ne souffre d'aucune possibilité de torsion comme le reste des Écritures qui nécessite certains paramètres de compréhension. Non, ici le commandement est clair, propre et solennel. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc en clair, le Nouveau Testament met fin à tout débat et toute discussion quant à la place de la femme. Si vous dites que vous ne comprenez pas toujours ce que je viens de dire, je vais dire de façon simple ainsi. Le Dieu de la Bible demande que tu vérifies d'abord très bien si tu es une femme. Si la réponse est oui, alors sache qu'il a décidé que l'homme est ton chef. Fin de citation. De même qu'il a décidé de ta famille, ta nationalité, ton sexe, ton sein, ton teint, ta date de naissance, ton lieu de naissance, il a également préétabli que l'homme sera ton chef. Alléluia. Dis-lui merci si tu es une fille, une femme soumise. Dis-lui Seigneur, je reconnais et je te remercie pour cette position qu'il t'a plu de m'accorder dans ton prestigieux gouvernement. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, femme, qui a fait cette courte action de grâce. Le problème de la place sous la grâce étant résolu, revenons maintenant sur la direction de l'Église et les postes de direction. Donc il est clair que la position, la place de la femme est sous l'homme. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas de deux chefs dans le bateau de Dieu. Amen. Nous allons revenir donc en détail dans un autre enseignement. Nous allons entrer sur les conséquences dans les familles, dans l'éducation des enfants et ainsi de suite. Donc, le problème de la place donc, sous la grâce étant résolu, nous allons revenir maintenant rapidement dans la direction de l'Église, parce que ça touche l'Église. C'est une conséquence terrible. Souvenez-vous, quand j'ai parlé aujourd'hui d'Israël, par rapport à Éphésiens, Ésaïe chapitre 12, verset 3, j'ai dit qu'on va voir les conséquences de cela, les causes, les conséquences dans l'Église. Ça, c'était sur Israël. On va voir les conséquences dans l'Église. La question qui vient à la suite de ceci est directe dans l'Église. La femme peut-elle enseigner? La deuxième question, c'est la femme peut-elle être pasteur, ancienne, église, évangéliste, apôtre, docteur, prophète ou ainsi de suite? Ok, la réponse à toutes ces questions est manifestement oui. Absolument, mes chers amis. Oui, la femme peut enseigner. Oui, la femme peut être pasteur, ancien, évangéliste et docteur. Alléluia. Je sais que ça vous surprend. Pour cela, le temps que vous méditez sur ces réponses, je vais y revenir. Prenons une pause. Une autre pause musicale, je reviens expliquer cela juste après la ponctuation musicale. Je vous laisse écouter cette belle musique, le temps de vous temporiser un peu encore, pour le temps de calmer encore les esprits. À tout à l'heure. violence qui m'a dévastée. J'ai longtemps espéré me venger. J'ai rêvé à mon tour te renverser. Voilà. Merci de toute l'attention que vous portez à la parole de notre Seigneur et particulièrement pour cet enseignement. Alléluia, dont le Seigneur par son esprit a suscité pour rappeler ce qu'il a déjà établi dans les Écritures. Amen. D'autres enseignements sont disponibles gratuitement sur demande. Allez seulement sur YouTube, comme je le répète depuis. Vous tapez Bamba Iba. Bamba Iba, c'est B-A-M-B-A. Et Iba, c'est I-B-A. Ou bien vous nous contactez sur YouTube, sur Skype Junior 3. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S. Puis le chiffre 3. Ou bien vous contactez encore par email junior, J-U-N-H-I-O-R-S, @yahoo.fr. Les numéros de téléphone sont 94-01-94-40, le 75-87-41-21, le 33-13-91-00. Souvenez-vous, nous sommes au Cameroun, donc vous mettez l'indicatif plus 237 et alors vous ajoutez le chiffre 6 parce que le Cameroun est passé à la numérotation à 9. De toute façon, à 9 chiffres. Donc, avant la courte pause, je disais qu'effectivement, la femme peut enseigner et être pasteur, docteur, apôtre et même ancien. Il faut être vraiment un aveugle pour ne pas voir cela. Mais en réalité, la vraie question est celle-ci. La femme doit-elle enseigner les hommes, c'est-à-dire dans une assemblée mixte, ou bien encore, la femme doit-elle avoir des fonctions de direction comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste, ancien, et ainsi de suite? Est-ce que la femme doit l'avoir? La réponse biblique est manifeste. Non, non. C'est pour cela que j'ai dit, je voulais corriger ceci. Je vous ai dit, avant d'aller à la pause, que la femme peut-être enseigner, la femme peut-être pasteur, c'est oui. En fait, c'est parce que nous voyons ça aujourd'hui. Amen. La réponse biblique, donc, est manifestement non. Depuis le ciel, ça sonne non, en parcourant toutes les planètes jusqu'à non. Non, la femme n'a pas un droit légal de le faire. Alors, toutes celles qui le font sont anarchistes. Or, la loi est condamnable devant Dieu, puisqu'elles n'ont aucun fondement biblique. Même si quelqu'un voudrait qu'un passage biblique donne la faveur aux femmes prédicateurs, il ne s'en trouvera que ruine en voulant tordre des versets. Je recommence encore. 1. La femme peut enseigner, puisqu'elles le font déjà, sans se poser la question aujourd'hui. Mais la femme ne doit pas enseigner, ni prendre l'autorité sur l'homme. Deuxième chose, la femme peut être pasteuse, pastrice ou même pasteuse, archibishop avec eux, doctrice, etc. Mais la femme ne doit pas conduire les hommes dans l'église. C'est un peu comme dans le cas de meurtre. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Si je pose la question, est-ce qu'un homme peut tuer? La réponse est oui, puisqu'on voit, et il le peut, puisqu'il y a toujours des meurtres, on voit les hommes qui tuent aujourd'hui partout sur la terre, nonobstant la loi. Mais la question, la vraie question, est-ce que l'homme doit tuer? La réponse cette fois-ci, c'est non. Vous voyez, la loi lui interdit cela. Amen. Alors, que devient donc l'homme qui tue son prochain? Il est coupable et passible de sanctions. Dieu de miséricorde, fait pénétrer ceci dans l'âme de tes filles. Lisons donc la Bible simplement et prenons ensuite les arguments des disputeurs et disputeuses, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas laisser les femmes à la place des soumissions selon Dieu, mais pensent que la femme est l'égale de l'homme. Nous allons prendre donc, nous avons lu tout à l'heure 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 13, 1 Corinthiens chapitre 3 et 11, 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Timothée chapitre 3. Donc, lisons Ephésiens, lisons ici Ephésiens chapitre 4, parce que tout à l'heure nous n'avons pas lu ceci. Je vais lire Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Écoutez très attentivement. Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Donc il y a deux rôles, perfectionnement et édification. Et nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6, la partie B, dans 2 Corinthiens 18 et dans 2 Corinthiens 13, 10, que l'apôtre Paul met exactement la fonction de direction et la fonction d'autorité, la fonction apostolique avec l'autorité. Donc il est clair que les ministères, les cinq ministères qui sont libellés dans ces Hébreux, Ephésiens chapitre 4, verset 11, C'est une fonction de direction, une fonction d'autorité. C'est déjà cela. Lisons 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2 disent: toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, Timothée va aussi donner aux hommes l'instruction d'enseigner. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Maintenant, continuons. 1 Timothée chapitre 3. Oh Seigneur, c'est merveilleux. 1 Timothée chapitre 3, les versets 14 et 15. Il dit: je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc il y a un comportement, il y a une façon de se conduire dans l'église. Ce n'est pas le libertinage. Amen. Amen. Donc, avec 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15, 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, oui, frère bien-aimé, sœur bien-aimée, 1 Corinthiens 11, versets 3 à 7, chapitre 14 encore de 1 Corinthiens 26 à 37 qu'on a lu aujourd'hui, 1 Timothée chapitre 2, verset 13, c'est planté. Donc, s'il y a des versets qui peuvent porter à confusion, les livres de 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 13 et 1 Corinthiens chapitre 14, versets 33 à 37 sont on ne peut plus clair. C'est écrit et littéralement expressé là-bas: la femme ne doit pas enseigner ni prendre l'autorité. Souligner, doit pas enseigner et prendre autorité. Et c'est l'ordre du Seigneur dans le gouvernement de l'Église. Alléluia. Donc, 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15 dit clairement que si tarde, il faut que Timothée sache comment se conduire dans l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité dans la maison de Dieu. Amen. Et dans Éphésiens au chapitre 3, il dit au verset 1 jusqu'au verset 5, il dit: à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai reçu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots, dont Dieu lui a demandé de créer. En les lisant, vous pouvez vous y représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, les écrits des apôtres et des prophètes de Christ, tels que nous voyons dans le Nouveau Testament, révèlent les mystères et les pensées profondes de Dieu. Amen. Dans Galates chapitre 1, verset 11 à 16, il dit: vous connaissez comment je me suis comporté dans le judaïsme. Après, il dit que quand j'étais dans le judaïsme, il ne connaissait pas, mais lorsqu'il plut à celui qui me l'avait mis à part, de révéler en lui son fils Jésus-Christ. Il dit: l'évangile qu'il écrit n'est pas de lui, mais c'est par révélation de Jésus-Christ. Et au chapitre 1 de cette même partie, de ces mêmes Galates, verset 6, il dit qu'il écrit ces choses au sujet de ceux qui égarent les gens. Après, il dit clairement que quand bien eux-mêmes, ça c'est Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Au verset 8, verset 9, il dit: quand bien nous-mêmes, quand bien un ange du ciel viendrait prêcher un autre évangile, autre que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Il dit, je le répète à cette heure, je le dis encore, que si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc, les choses que l'apôtre, les apôtres ont prêchées, c'est les profondeurs des oracles de Dieu. Il prêche, la Bible déclare dans 1 Pierre, le livre de Pierre, que c'est les anges même désirent plonger les regards vers le Saint-Esprit qui est donné sur la terre dans l'église pour prêcher les plans, pour dévoiler les mystères de Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens, écoutez, verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 2, regardez: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, la parole là, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc les apôtres annonçaient effectivement la parole. Je vais simplement établir quelque chose sur un principe, que la chose qui se dit, c'est Dieu qui a de parler et c'est la volonté de Dieu qui a de sortir. Amen. Mais, alléluia. Donc nous voyons que ces paroles sont les expressions. Amen. L'expression de la pensée du Seigneur, notre Dieu, notre Père. Vous prenez 2 Pierre chapitre 1, verset 16 à 21. On dit donc que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie est jamais donnée, mais c'est les hommes ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit que nous sommes des dieux, nous sommes dans cette grâce-là pour que, et nous pouvons savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce, par son esprit qui nous a donné. Nous pouvons sonder parce que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, quand Dieu nous a donné son esprit, nous pouvons sonder tout. Le Saint-Esprit prend ce qui est dans l'intérieur de Dieu, dans ses pensées, et le plus intime, et révèle à l'Église. C'est pour ça que c'est par l'Église que les dominations doivent connaître autre, les mystères infiniment variés. Amen. Mais que pensent les pharisiens et les sadduciens modernes en lisant ces versets, et les pasteurs et les pastrices? J'ai recensé à peu près 15 arguments différents que les uns et les autres essayent d'utiliser pour justifier le fait que les femmes aujourd'hui enseignent les hommes. Pire encore, après avoir quitté le droit chemin en ouvrant le centre de formation de fous, appelé école biblique, ils y admettent que les femmes viennent enseigner leurs futurs pasteurs. Que Dieu ait pitié de vos âmes. Donc, je vais vous présenter donc les arguments les plus célèbres par ordre décroissant de fainéantise. Amen. Donc, c'est ce que je vais faire. Allons rapidement parce que ça fait presque 3 heures que nous sommes ensemble. En premier lieu, souvenez-vous, j'ai classé cela par ordre de fainéantise, donc par ordre décroissant de fainéantise. En premier lieu, on a un premier groupe, ceux qui disent que l'argument pour dire que pour justifier le pourquoi la femme enseigne, voici ce qu'ils disent. Ils disent le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Alors je pose la question. A-t-on interdit au Saint-Esprit d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme ou c'est à la femme que cette interdiction est dirigée? De plus, en milieu chrétien aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens encore qui ont reçu l'Esprit, le même Esprit que les premiers apôtres et les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont reçu? Si la réponse est oui, ça fera le même effet sur elles et sur eux aujourd'hui. En effet, dans la chambre haute, il y avait plusieurs femmes, y compris Marie, mère de Jésus. Pas la démon appelée reine du ciel, c'est pas Daniel qui s'en est parlé, mère de Jésus, l'authentique de la Bible, pas la démon reine du ciel de Jérémie 7, 18, et là que l'Église catholique essaie de déguiser sous Marie. Non. Si vous lisez Luc chapitre 1 et Actes chapitre 1, verset 14, on voit toujours que Marie est effacée, ainsi que toutes les femmes qui suivaient Jésus jusqu'à sa crucifixion. De même que les femmes qui marchaient avec les apôtres après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu s'est subitement réveillé au 21e siècle en oubliant qu'il fallait qu'il appelle les pasteurs par couple. Aujourd'hui, on a les notions de couple apostolique, couple pastoral, couple prophétique, révérend évangéliste en docteur missis. C'est terrible. Les autres titres abominables dignes de culte celto-druidique, égypto-babylonienne. D'abord, je vais m'adresser à tous ces assaffés de titres et d'honneurs mondains. Le titre révérend que vous mettez dans votre carte de visite, voilà encore ça, carte de visite. Des pasteurs qui ont des cartes de visite, profession, carte de visite, révérend pasteur tel. Donc, ces titres révérends que vous mettez devant votre nom là, d'où le tenez-vous? Êtes-vous aveugle quand vous appelant ainsi, vous vous faites adorer, prenant ainsi la place réservée à Jésus-Christ notre Seigneur? Allons dans la Bible, voilà. Lisons le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Je vais lire verset 24 à 27. Regardez. 24 à 27. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec eux, avec ceux du même métier, et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. C'est terrible, comme eux. C'est terrible. Donc l'homme fabrique un dieu, il devient son dieu. C'est quand même terrible. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de... Écoutez bien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à rien, à néant. Et même que la majesté de celle qui est révérée, qui est adorée, à qui on rend culte. Donc, vous voyez, le mot révérend dans la Bible, regardez comment c'est adressé. Donc, on dit que ceux-ci adoraient la grande déesse. Donc, c'était révérente Diane. la révérende Diane. C'est ça qui était dans, là-bas dedans. Donc vous allez prendre ça, vous mettez sur votre, sur votre nom et vous ne voyez pas qu'il y a de mal. Donc révérer veut dire adorer. Fâchez-vous, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, je m'adresse aux serviteurs de Dieu, les vrais que Satan a corrompus depuis. C'est à eux que Dieu parle au travers de cet enseignement, afin qu'ils rentrent dans l'ordre selon les Écritures. Amen. Donc en conclusion, pour ceux qui essaient de raisonner en disant que le Saint-Esprit n'a pas de sexe, je vais te dire deux choses. Si tu ne le savais pas, on dit le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de féminin de cela. Jamais tu ne verras la Saint-Esprit. Tu as compris? Donc Dieu est masculin, pas féminin. Il est masculin. Dieu est masculin. Il n'y a pas de dieuse. Il n'y a pas de déesse pour notre Seigneur. La deuxième chose que je vais te dire, c'est que tu pourrais avoir raison si le Saint-Esprit venant en ou sur quelqu'un changeait son sexe. Est-ce le cas? C'est-à-dire que si tu es une femme là maintenant, quand le Saint-Esprit est venu sur toi, ça a changé ton sexe. Tu es resté femme, non? Retourne à Dieu, s'il te plaît, avant de te dire des sottises. Donc, le deuxième argument, c'est ceux qui utilisent Galates chapitre 3, verset 28. Et dans ce Galates chapitre 3, verset 28, la Bible déclare, si vous ouvrez bien Galates, la Bible déclare qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Je vais lire cela. Je vais lire. C'est très important que nous lisions les Écritures, bien-aimés. Oui. Pardonnez-moi de vous garder pour longtemps, mais c'est très important. C'est pour comprendre les choses de Dieu, on prend du temps. Donc, que le Seigneur vous bénisse alors que vous écoutez ça. Je salue particulièrement toutes les saintes femmes du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier qui suivront cet enseignement et qui sauront que c'est la vérité des Écritures. Si vous avez pris la forme de soumission et on vous prend pour lâche, restez dans votre position, madame. C'est la position de Dieu. Vous êtes dans la bonne position de Dieu. Si vous voyez les femmes sont orgueilleuses et voluptueuses dans le monde rempli de luxe et que ça vous fait des problèmes dans le cœur, c'est parce que Dieu vous a mis, il a plu à Dieu de vous révéler ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, dans Galates chapitre 3, le verset 28, la Bible déclare qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes un en Jésus-Christ. Voici la preuve vraiment que ce style de personne fait partie de ce que l'apôtre Pierre parle en 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 16, lorsqu'il parle de ceux qui tordent les Écritures. Il y a des points difficiles à comprendre dans lesquels tordent les Écritures. Or, ici dans Galates chapitre 3, verset 28, on parle du salut que nous avons en Christ. C'est clair. C'est le même thème qui est développé en 1 Corinthiens chapitre 1, verset chapitre 12, verset 13 et Éphésiens chapitre 2. Si vous lisez Éphésiens chapitre 2, vous allez voir comment on va parler des thèmes de l'accessibilité des croyants, des païens et les juifs sous la loi, sous la grâce. Il dit qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin pour faire un seul corps. Quelqu'un laisse là où c'est écrit noir et blanc. Il dit ces gens-ci qui disent ceci laissent 1 Timothée, Tite, 2 Timothée et 1 Corinthiens où c'est écrit noir et blanc, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est-à-dire que si quelque chose est écrit dans la Bible, vous ne pouvez plus chercher son contraire quelque part dans la Bible. Ça ne peut pas être ainsi. Si un principe est établi dans la parole, tous les autres principes qui vont aller là-bas vont aller dans ce sens-là ou bien quelque chose est arrivé et Dieu en voulant corriger quelque chose. Donc le principe de Dieu dans les versets qui sont clairs, c'est je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc quelqu'un laisse un verset qui est clair comme ça dans 1 Timothée et dans 1 Corinthiens, il vient chercher le sexe de l'ange. Un simple regard dans Galates 3, depuis le verset 1, montre clairement qu'on ne parle pas de la place de la femme, de l'ordre dans l'église, mais du salut chez l'homme et la femme, les juifs, le païen, l'esclave, l'homme libre. Alors je te pose aussi la question, y a-t-il encore aujourd'hui l'homme et la femme? Je ne demande pas dans le monde, je demande chez toi, toi-même, toi qui me parles là, tu es quoi? Tu es quel sexe? Et là, si la réponse est oui, qu'il y a encore les femmes aujourd'hui, alors sache qu'il te fallait la délivrance et là tu viens d'être délivré. Oui. La deuxième question est que, est-ce qu'il y a aujourd'hui les juifs? Est-ce qu'il y a encore les grecs? Est-ce qu'il y a encore les esclaves, les hommes libres aujourd'hui? Si c'est oui, alors sache qu'il te faut la repentance parce que tu avais initialement tordu la parole de Dieu. Parce que tu disais qu'il n'y a plus ni homme, et tandis qu'aujourd'hui il y a les hommes. Parce que la Bible dit clairement là-bas, il n'y a plus ni homme, ni femme. Et toi, soit là où tu me connais, soit tu es homme, soit tu es femme. Et tu ne peux pas dire maintenant que tu es asexué, puisque ton sexe, tu l'utilises. C'est terrible. Continuons. J'ai dit tout à l'heure là, qu'il y a au moins 15 arguments que les gens avancent pour permettre aux femmes d'enseigner les hommes et justifier leur œuvre antichrist. Donc le troisième, c'est qu'il y a ceux qui disent que ma mère spirituelle, c'est elle qui m'a conduit à Christ. C'est-à-dire que c'est une femme qui m'a conduit à Christ. Ici, c'est ce que j'appelle l'expérience face à la parole de Dieu. D'abord, c'est quoi conduit quelqu'un à Christ? Et comment as-tu été conduit à Christ? Ce n'est pas scripturaire même, même si ton âme a eu la chair de poule ou la chair de pigeon ou la chair de coq ou la chair de dindon, c'est la Bible qui a raison et elle aura toujours raison. Donc laissez les fausses expériences et acceptez l'écriture. Romains chapitre 3 verset 4 dit que tout homme soit tenu pour menteur, connu pour menteur et seule la parole de Dieu pour vrai. Je te pose à toi aussi la question. Si c'est une brochure que tu avais ramassée, que tu avais lue et que ça t'a conduit à Christ comme tu dis là, c'est que la brochure devait être ta mère spirituelle et tu devais argumenter désormais qu'il faut que les brochures deviennent le pasteur. S'il te plaît, ton cas est encore grave. Reviens à l'autre. La parole tient toujours. Que la femme écoute l'instruction en silence. Un autre quatrième groupe dit que ce qui justifie le fait que la femme prêche et enseigne aujourd'hui est le fait que les âmes périssent là-dehors. Tu entends, les gens disent que les âmes meurent là-dehors. Les hommes meurent là-dehors. Les âmes périssent. Les âmes périssent dehors. La femme ne doit pas enseigner. Pourquoi? Alors, il faut que les femmes deviennent pasteurs. Voici ce que Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 10, verset 2. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Luc, le chapitre 10, le verset 2. Il est dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer. Le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous avez entendu? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et dans Jean, chapitre 10, Jean, je vais lire le livre de Jean, chapitre 10. Le verset 14 dit, écoutez bien, je vais lire le verset 14, puis je vais revenir le verset 1 à 5. Le verset 14 dit, verset 14, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Vous avez vu, verset 1 à 5 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Lisons aussi le verset 16. Le verset 16 dit, je veux que vous me compreniez bien, madame. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront, prophétie, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Vous entendez? Je continue dans ce même Jean, chapitre 10. Les versets 26 à 29 disent, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Vous avez verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 28 maintenant. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de mes mains. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Verset 29 enfin. Mon Père, qui me les a? Pas que qui va me les donner. Qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, tous les brebis du Seigneur sont entre ses mains. Dieu leur a lui et l'a donné. Le moment va arriver, il va les appeler. Donc, tes gesticulations et agitations là ne peuvent faire venir même pas une brebis dans la bergerie. Jésus a dit que c'est lui qui doit envoyer ceux qui vont les faire venir. Écoute dans Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Verset 16 dit clairement ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandiez, d'aller au Père en mon nom, il vous le donne. Donc c'est Jésus qui appelle, qui établit et qui envoie. Vous avez compris? C'est terrible, c'est vraiment terrible. Donc, le verset 10, chapitre 10, verset 2 dit, La moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des moissonneurs à sa moisson. C'est ce que Jésus nous a dit dans Luc chapitre 10, verset 2. D'abord, quand tu dis que les gens périssent là-dedans, il faut qu'on soit pour aller évangéliser là. Qui t'a dit que ceux que tu as ramassés et mettre dans ton enclos là sont de ces brebis, les brebis du Seigneur? Disons, j'ai mis un passage de Matthieu qui me vient à l'esprit là. Matthieu chapitre 23. Le verset 15 dit, malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites. parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, ce qu'on appelle aujourd'hui évangélisation. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Géhenne deux fois plus que vous. C'est terrible. C'est terrible. Donc Jésus dit ici là que celui qui va amener son brebis, toi tu dis que tu décides aujourd'hui que les gens sont en train de mourir dehors. Tu connais ceux qui sont ceux qui lui appartient. Jésus dit que celui qui connaît ceux qui lui appartient, il les connaît tous les personnes. Ils ne peuvent pas périr. Et toi tu en dis que les gens sont en train de périr. Mais c'est terrible. D'abord, toi-même là, qui parle là, tu es sûr toi-même que tu es de sa brebis. Il y a un enseignement disponible là, le titre c'est « Le Dieu de la Bible est-il réellement ton père ?» Cet enseignement te montrera à la lumière de la parole de Dieu, ton vrai père et ta vraie nature. Donc, suis cet enseignement. Va vérifier tranquillement et sache. Et alors, tu vas savoir ce qu'est la question. Donc, toi qui raisonnais comme ça, reviens à la parole. Amen. Donc, les gens périssent dehors. Ils ont toujours péri avant que tu ne commences à bavarder comme ça. Le temps que tu ne parles comme ça, les gens sont de périr. Tu es au courant de cela? Amen. Donc, un autre cinquième vous parle de la femme samaritaine de Jean 4. Lisons d'abord pour voir ce qui est dit. Alors, rapidement, au verset 28. Jean, chapitre 4. Prenez tous ces passages et lisez entièrement et doucement. Et le Saint-Esprit vous conduit. Donc, comme c'est long là, je vais rapidement au verset Jean, chapitre 4. Je vais lire rapidement le verset 28 à 30. Prenez la partie du verset 27 même. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Vous voyez, les disciples étaient même étonnés que Jésus parlait avec une femme seule. Aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche, écoutez très bien, Jésus que je ne l'ai pas envoyé, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ça c'est le verset 29. Verset 30, il sortit de la ville et il vint vers lui. Amen. Donc, nous voyons très bien que la femme samaritaine, après la causerie qu'il avait Jésus-Christ, est entrée dans la ville. C'était une prostituée, vous voyez. Et les prostituées ne devaient même pas parler là-bas, on entend. Maintenant, quand elle est partie, elle a parlé que venez voir un homme qui m'a tout dit. Les gens sont sortis de la ville, venez voir Jésus. Et au verset 40 maintenant, verset 40 à 42, regardez ce qui est dit. Aussi, quand les samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là deux jours. Verset 41, un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, écoutez très bien, si vous n'avez jamais lu ce livre, maintenant, verset 42, il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc ce n'est plus la femme qui a fait qu'ils croient, c'est le fait qu'ils ont écouté eux-mêmes Jésus. D'abord, qu'est-ce que cet événement a à voir avec le gouvernement dans l'église? Parce qu'on parle de l'église, la femme peut-elle enseigner, quelqu'un sort du sujet. On peut faire ceci, quelqu'un dit que tu ne penses pas que. On dit que l'église ce n'est pas ce qu'on a enseigné. Ce que tu appelles l'église, c'est parce que la Bible dit que tu ne penses pas que. Donc les gens qui disent servir Dieu sont des servis autre Dieu, mais quand tu les touches avec la parole, tu as l'impression que ce n'est pas la même parole que vous lisez. Donc c'est pour ça qu'il demandait que qu'est-ce que cet événement a à voir avec le gouvernement dans l'église. Les livres pastoraux. Timothée, Corinthiens traite de ces sujets au clair. Pourquoi aller chercher les poux sur une tête ayant la calvitie? Je pose cette question. Quel poste de l'église la femme samaritaine occupait? Et dans quelle église? Ou bien il y en avait-il déjà l'église? Si vous dites qu'elle est évangéliste, alors quel est son message? Alors si on prend dans Marc chapitre 5, dans le Marc chapitre 5, il y a un démoniaque qui était dans les cimetières. Jésus a guéri, il a dit, va vers les cimetières, dis ce que j'ai fait pour toi. Alors celui-là maintenant est devenu maintenant le pasteur des démoniaques, pasteur démoniaque. Dans Marc chapitre 1, verset 40, le lépreux, il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il a été pur, il allait publier partout que Jésus-Christ a fait cela. Alors maintenant, il est maintenant prédicateur lépreux. Dans Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Dans Luc chapitre 7, verset 11 à 17, Jésus a dit, va, la chose est ainsi. Donc, Jean chapitre 11, verset 35 à 45, parle de Lazare qui l'a ressuscité. La Bible déclare clairement que plusieurs qui étaient venus là-bas, qui ont vu Lazare, cru. Et la nouvelle s'est disparue. Donc maintenant, Lazare, qui est l'objet de cette guérison, doit être maintenant le ressuscité prédicateur. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas chez vous? Oh mon Dieu. Donc, il n'y a rien en Jean 4 qui justifie le ministère public des femmes et le style du 21e siècle. Un point, c'est tout. Amen. Donc, un autre sixième point, maintenant, les bêtisiers du raisonnement continuent dans ce sixième point, dans ce sixième groupe, et ce sont ceux qui justifient le fait que Jésus, à la résurrection, est apparu aux femmes. Souvenez-vous, j'ai dit que je vais classer par ordre décroissant des fainéantises par rapport à ce raisonnement. Donc, nous sommes au sixième maintenant. Donc, ce groupe se disent que quand Jésus est ressuscité, il est apparu en premier lieu aux femmes. C'est pour cela qu'il a dit à la femme qu'elle allait dire à mes frères que je suis ressuscité. Mais c'est terrible. Et on prend une fois de plus, je pose la question. Qu'est-ce que cela a à voir avec le message de l'Église, avec le gouvernement de l'Église qui est donné dans les actes des apôtres et les prophètes de Jésus-Christ? Il a dit clairement à l'apôtre pour qu'ils sont eux qui posent le fondement. Il n'a pas dit qu'il y a une femme parmi eux qui pose le fondement. Il dit ce sont les apôtres et les prophètes de Jésus-Christ. Le fondement de l'Église est posé. Donc, lisons Jean chapitre 20. C'est là où il est question de cette résurrection et l'apparition à cette femme Marie de Magdala. Donc, vous pouvez prendre Jean. Je vais lire dans un seul passage là. Ça se trouve dans Jean chapitre 20, verset 17 à 18, Luc chapitre 24, verset 9 et verset 22, à Marc 16 également, verset 9 à 10. Mais je vais lire le livre de Jean au chapitre 20, permettez-moi de trouver là, que Dieu vous bénisse. Jean au chapitre 20, je vais lire les versets 17 et 18. Verset 17 et 18 disent. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Voilà ce que Jésus a dit à Marie de Magdala à la résurrection. Quand les gens lisent comme ça, ils disent que ok, la femme peut enseigner. Pourtant, c'est écrit noir et blanc que je ne peux pas la femme d'enseigner. Tu prends ces versets-ci, ça montre qu'on a te donné une situation qui s'est passée, tu commences à parler de l'enseignement. Les disciples n'ont pas été enseignés par Marie de Magdala. Le fait d'aller dire que je monte vers mon père et votre père ne veut pas dire qu'on a enseigné quelqu'un. C'est terrible. En lisant ces livres-là, en réalité, les personnes, les premières qui ont vu Jésus-Christ ressusciter, ce n'est même pas Marie de Magdala, comme vous dites là. Lisez doucement Marc chapitre 16, verset 4 à 7. Luc chapitre 24, verset 1 à 8. Les deux passages-là, vous regardez très bien que les femmes sont venues voir les anges dans le tombeau de Jésus. Et ce sont ces gens qui donnent les recommandations aux femmes. Donc les anges sont les premiers témoins de la résurrection de Jésus, pas la femme-là. Je vais vous dire quelque chose. Donc, la première être humain à qui il a apparu, c'est cette femme-là. Si vous faites d'elle évangéliste, alors désormais, les anges qui ont aussi vu Jésus ressusciter, ce sont les anges évangélistes. C'est ça, non? Ou bien les anges pasteurs. C'est terrible. Donc, les anges évangélistes. Et même jusqu'ici, on ne se trouve pas dans le cadre de l'Église, je le dis, du Nouveau Testament. Donc, l'argument ne tient pas debout. Marie, dans Jean 20, pensait déjà même que c'était le jardinier. Donc, d'après ce raisonnement, hors de sens, si Jésus s'était présenté d'abord au jardinier en premier lieu, alors tous les jardiniers aussi devaient se réclamer étant des pasteurs parce que c'est au jardinier que Dieu est apparu. Mais c'est terrible. S'il avait fait d'abord, apparu d'abord aux enfants, à un enfant, après sa résurrection, c'est que tous les enfants devraient être maintenant les prédicateurs, n'est-ce pas? Nonsense. Nonsense. Prenons le septième argument. Le septième point ou argument est ceux qui disent que l'homme et la femme sont égaux depuis la Genèse. Là encore, en lisant Genèse chapitre 2 et chapitre 3 tout à l'heure, à la création et sous la loi, et à la chute, nous avons vu depuis le début de cet enseignement qu'il n'en est rien. D'ailleurs, Paul dit lui-même que le fait que Dieu ait créé l'homme en premier fait de lui le chef. On peut aisément lire cela à 1 Corinthiens 11 et 1 Timothée 2, verset 13 et 14. Donc à ces groupes aussi, je ne peux que dire que l'argument ne tient pas contre la parole, car la parole seule est la vérité. Amen. Prenons le huitième argument. Un autre groupe tente de façon subtile à montrer que Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, où on parle de la grande commission, comme les théologiens l'appellent, est adressé aussi aux femmes, en disant que c'est à tout le monde que Jésus s'adresse. Maintenant, lisons encore Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, la Bible déclare « Allez, faites de toutes les nations. » Matthieu chapitre 28, verset 19 « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Donc, il vient clairement d'après ces passages que ceux qui font les disciples, ces disciples-là, doivent les baptiser, un, et les enseigner, deux. Donc, c'est clairement un service public. Alors, pasteur, conducteur et frère, où dans la Bible, vous avez vu une femme baptisée? Montrez-moi et ne me parlez pas des expériences de vos femmes. Je parle en ce qui concerne la Bible. Y a-t-il un exemple? Alléluia! Y a-t-il un exemple d'une femme quelconque? Je ne dis pas si vous connaissez au côté de vous une femme qui baptise. Si elle baptise, elle est hors de la Bible. Elle est entre les mains de Satan. Je parle de la Bible. Y a-t-il une femme dans la Bible que vous avez baptisée? Si c'est non. Si c'est non, vous ne travaillez pas pour Dieu, mais pour son ennemi, c'est tout. Vous pouvez vous fâcher, c'est vrai. Vous travaillez pour son ennemi parce que vous faites ce que Dieu n'a pas dit. Souvenez-vous de Deutéronome chapitre 4, verset 2 et Apocalypse chapitre 22. Il dit qu'on n'ajoute rien. Et dans Proverbe chapitre 30, verset 6, il dit que n'ajoute rien à ses paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. En deuxième lieu, nous lisons au verset 16, parce que les gens disent que c'est la commission de l'adresse aux femmes. Alors, verset 16 lit. Qu'est-ce que le verset 16 dit? Les onze disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait adressée. Donc, lorsque Jésus en a prononcé ces paroles de Matthieu 28, il n'y a que 11 personnes, parce que normalement, il devait être 12. Jésus a allé en son lieu, donc il reste 11. La Bible déclare donc que les 11 disciples allaient au lieu de la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Alléluia. Donc, on voit clairement que quand Jésus prononce cette parole de la grande commission, comme vous dites, il s'adresse à 11 hommes. Que dites-vous de cela alors maintenant? Donc, votre argument aussi ne tient pas la route. Revenez tout simplement à la simplicité de la parole telle que transmise aux premiers apôtres et, Jésus, et disciples du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous que rien ne doit y être ajouté et rien ne doit y être retranché. Amen. Amen. Donc, il y a un neuvième argument, j'avance. Neuvième argument. C'est donc ceux qui taxent Paul de misogyne. Ils disent que l'apôtre Paul n'aimait pas les femmes, comme il n'était pas marié. Je vais lire quelques passages et vous verrez si oui ou non cet argument n'est pas aussi insensé. Dans Romains chapitre 16. On va y revenir tout de l'heure avec ces Romains-ci. Romains chapitre 16. Nous lisons verset 1 et 2. Il dit, je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconèse de l'église de Centrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Vous entendez ça? Vous entendez? Au verset 12, là, il dit, saluez Tryphène et Tryphos, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Persite, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Dans Philippiens chapitre 4, il parle de Saint-Tiche là-bas et de Vaudi. Et dans 2 Corinthiens, 2 Timothée chapitre 4, verset 11, il parle de Claudia. Donc vous dites que l'apôtre Paul était misogyne et il a félicité les femmes comme ça dans la Bible. Nous voyons donc que ce n'est pas du fait que Paul n'était pas marié, qu'il n'aimait pas que les femmes occupent une position d'autorité. De toutes les façons, si vous êtes arrivé à ce niveau à croire que Paul était misogyne, alors vous avez vraiment compris son message et assimilé. Il vous reste seulement la grâce de l'accepter. Amen. Prenons notre dixième argument. Le dixième argument porte sur les cas Phoebé et Junias. Voici encore un autre cas. Les deux noms sont mentionnés dans Romains chapitre 16, verset 1 que je viens de lire, verset 2 là, et le verset 7 respectivement. Lisons encore ce Romains chapitre 12, chapitre. Lisons encore ce Romains chapitre 16. Et verset 1 et 2, je vais encore lire maintenant. Ce cas-ci. Donc, le dixième argument, c'est les gens qui disent que voilà, Phoebé est un enseignant. Voilà, c'est pourquoi on peut enseigner. Phoebé est un enseignant, Junias est mentionné comme apôtre. Donc, permettez-moi de trouver ce chapitre 16 là. Chapitre 16 des Romains, verset 1. Je vous recommande Phoebé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Centrée. On a dit qu'elle est diaconesse de l'église centrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Voilà ce qu'il dit de Phoebé au verset 7. On va revenir pour qu'on va parler pour. Donc ne fermez pas votre Bible. On va revenir lorsqu'on va parler pour le cas de Junias. Alléluia. Donc, regardez très bien. Déjà à la lecture de ce verset, il n'est pas fait mention nulle part où Phoebé enseigne ou dirige une assemblée. Le mot traduit par diakonès vient du grec diakonos, qui contient lui aussi le mot diako, qui veut dire courir dans les courses. On peut aussi avoir comme définition du mot dans ce même contenu dans ministre, serviteur, magistrat, diacre. Et diacre, en premier lieu, dans la première définition, c'est celui qui exécute les commandements d'un autre, en particulier d'un maître. Alléluia. Nous allons y revenir dans un autre enseignement où je vais entrer dans les détails les plus détaillés pour montrer chaque ministère. Amen. Donc déjà, vous pouvez avoir les bibles de ceci. Je vous ai dit sur la chaîne Bamba Iba sur YouTube avec le titre « C'est quoi le ministère ?» Amen. Amen. Donc, quand je parle de mot diaconèse, parce que les gens voient, quand ils voient diaconèse, ils voient l'église chantée, ils disent que il est enseignant. Le mot diaconèse ne parle pas d'enseignant. Je vais expliquer ce principe avec les deux mots grecs. Par exemple, si vous prenez le mot paraclete, qui est traduit dans notre langue par consolateur, vous allez remarquer que dans le livre de Jean au chapitre 16, verset 13, le mot qui est écrit en français là-bas, c'est que je vous enverrai un consolateur. Il demeurera éternellement avec vous. Consolateur là-bas, c'est paracletos en grec. Et en grec, ce même mot-là figure dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, le verset 1, où il est écrit que je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si vous avez péché, nous avons un avocat. Le mot avocat là-bas en grec, c'est encore paracletos. Donc, dans l'original grec, c'est écrit paracletos dans Jean chapitre 16, verset 13, et c'est écrit paracletos dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Et c'est la même personne qui l'a écrit. Et comment il écrit donc paracletos ici, paracletos là, en traduisant en français, vous mettez consolateur à l'un, consolateur, avocat à l'autre, et d'autres versions traduisent le défenseur. Amen. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ lui-même, le juste. Amen. Donc, vous voyez que le mot grec, un mot grec peut renfermer plusieurs définitions, comme par exemple Storos, qui parle de la croix, dont je vais essayer de prendre la première définition et caler ça comme c'est un poteau. Alors que les mots grecs ont plusieurs définitions. Paracletos peut en même temps dire consolateur, avocat, défenseur. Or, en français, il n'y a pas de mot qui peut en même temps signifier ces trois. Ce n'est pas possible. Il n'y en a pas. Mais le grec, là. Par exemple, le mot diatheke. Le mot diatheke qui veut dire alliance, veut dire aussi testament, il veut aussi dire serment dans ces Hébreux chapitre 9, verset 16, c'est ce qu'on a lu aujourd'hui. Alléluia. Donc, en lisant encore le verset 2 de Romains 16, Romains 16, verset 2, le verset 2 dit, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car, soulignez ça, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Alléluia. Amen. Donc, en lisant donc ce verset 2 de Romains 16, Paul parle de Phoebé comme celle qui a donné, c'est-à-dire qui a assisté, qui lui a donné assistance. Amen. À lui et à plusieurs. N'est-ce pas ce que j'essaie de dire depuis le début de cet enseignement? Que la femme est une aide. Voilà la notion ici, même dans ce passage, qu'on veut tordre pour dire que la sœur Phoebé avait enseigné. C'est terrible. On dit qu'elle a aidé. Donc, elle assistait. Ce n'est pas la première fois. On voit dans la Bible, dans Luc chapitre 8, les femmes qui suivaient Jésus et qui l'aidaient de leur bien. Amen. Donc, le cas Phoebé est même le cas typique pour montrer dans l'Église du Seigneur que les femmes peuvent effectivement travailler dans sa place et son rôle à lui assigné et réjouir le cœur du Seigneur. Donc, Paul qui dit que la femme n'enseigne pas et ne doivent pas le faire, ne pouvaient pas mener dans ses bagages une femme et marcher avec elle qui avec celle qui transgresse le commandement du Seigneur Jésus. Souvenez-vous de sa déclaration de 1 Corinthiens 11 qu'on a lu aujourd'hui, verset 16, où il a dit que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Donc quand il prêche, c'est ça. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Amen. Voyons maintenant le cas de Junias. D'abord, le mot Junias, ça figure dans le verset 7. Je vais d'abord lire avant de parler. Le verset 7 de Romains 16 toujours dit, saluez Andronicus et Junias. Vous avez vu? Et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Voilà. Junias vient du mot latin qui veut dire jeune. Amen. Beaucoup de prédicateurs prennent ces deux noms-là, donc ces deux noms comme un couple. Aujourd'hui, quand on a un couple apostolique, comme on parle de couple apostolique aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ils disent que Andronicus était un homme et Junias était une femme, et donc Andronicus est le mari de Junias, donc c'était un couple. Donc beaucoup de prédicateurs disent, ils les appellent donc les apôtres, et par conclusion, arrivent à établir qu'une femme doit être ou bien elle peut être apôtre. C'est terrible. Relisons encore ce passage. Saluer Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent, regardez bien souligné, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Vous voyez, n'est-ce pas? Et qui ont été en Christ avant moi. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé? Nous voyons que Paul ne dit pas que Andronicus et Junias sont apôtres. Et encore qu'il n'y a rien qui dit à l'intérieur là-bas que ce sont des couples. Parce que ici, on cite souvent, on dit Paul et Barnabas. Ça ne veut pas dire que Paul est mari et Barnabas est la femme. Faites attention à la Bible. Vous voyez? Nous voyons que l'apôtre Paul dit. Ne dit pas que Andronicus et Junias sont apôtres, mais il a dit que parmi les apôtres, Andronicus et Junias sont beaucoup estimés. C'est ce qu'il a dit. On n'a pas dit que Andronicus est apôtre, Junias est apôtre. Il a dit que parmi le groupe des apôtres, on les reconnaît bien, peut-être parce que ils étaient trop dévoués au Seigneur ou au service du Seigneur. Et manifestement, c'était pour cela parce qu'ils ont été en captivité avec Paul. Parce que tous ceux qui doivent se livrer à corps et âme au service du Seigneur doivent être persécutés. Alléluia. Donc, eux, en ce temps-là, ils n'appréciaient pas les gens par motif d'intérêt comme on fait aujourd'hui là. De plus, le petit dictionnaire du Nouveau Testament, R. Pigeon, appelle Junius un chrétien de Rome. Un chrétien de Rome. Amen. Donc, il est clair que c'est un homme, pas une femme. Et même si c'était une femme, ce verset ne dit pas qu'ils sont de les apôtres. Par exemple, quand on prend le président Paul Biya, puisque je suis Camerounais, prend le cas de mon président, le président Paul Biya et sa femme, on dit qu'ils se rendent en France en visite officielle, ou bien qu'ils sont appréciés, ils sont félicités par l'ONU pour leur attachement aux œuvres de la paix. Si on dit ainsi, on dit le couple présidentiel se rendra par exemple à New York. Ça ne veut pas dire que les deux sont présidents. Amen. C'est une personne parmi eux qui est l'homme qui est le président. Mais on dit couple présidentiel. Ça ne fait pas que la femme soit aussi présidente des femmes. Mais c'est terrible. À ce rythme-là, même le chien doit être le président des chiens. Le gobelet va être le président des gobelets. Que Dieu vous pardonne. Donc, même si la phrase disait que les cours c'était des apôtres, alors ça ne veut pas dire comme ils sont en couple. Et si c'était l'homme et la femme, ça ne veut pas dire que les deux sont apôtres. Parce que se remarier, ce qui est comme ça. Amen. Que Dieu vous pardonne et que Dieu vous bénisse en comprenant ceci. Prenons le 11e argument. Ce sont les gens qui parlent du cas de Priscille qui, avec son mari, était ambulant dans leur ministère. Plusieurs personnes utilisent son cas pour dire que la femme doit être pasteur ou avoir un ministère public dans l'église. C'est terrible. Dans l'église de Jésus-Christ. Lisons Actes des Apôtres, parce que c'est là où ça se trouve. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 16, puis revenons. Ne fermez pas Romains, parce qu'on va y revenir maintenant. Actes des Apôtres, chapitre 18. Nous allons lire les versets 24. Actes des Apôtres, chapitre 18. Nous allons lire le verset 24. Oui, prenons le verset 24 à 26. Regardez. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Verset 16. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix du Seigneur. Il dit, mais c'est terrible que les versets soient clairs. Je recommence encore 1 Timothée 2, 1 Corinthiens 14, disent clairement et expressément que la femme ne doit pas enseigner. Maintenant, on prend ce verset-ci, parce qu'on a lu le verset 26. On dit que voilà ça. Ici, on voit que le couple a conduit Apollos plus exactement dans la voie de Dieu. Avec ceci, les évangéliques et les pentecôtistes brandissent et disent, voilà une preuve. Mais laissez-moi vous donner un exemple dans ma propre vie et à celle de ma femme. Je vais donner un seul exemple. Je me souviens bien quand j'étais hors du pays, en rentrant, il y avait un homme qui était passé devant la maison. Il a vu ma femme, il a dit qu'il avait soif de connaître la parole du Seigneur. C'était un chrétien parce qu'il était embrouillé par les choses dénominationnelles. Alors ma femme lui a dit, j'arrive tel jour, je suis arrivé. On s'est assis, j'ai conduit la personne droit dans la parole, la révélation de la parole, ce que Dieu veut pour les gens de ce moment. Il est encore dans la foi aujourd'hui. Alors j'étais surpris de ce jour quand il racontait son histoire. Il a dit que c'est le frère Junior et sa femme qui m'ont conduit dans la voie de la vérité. Oh, maintenant, pourtant, quand on est assis, c'est moi qui le conduisais dans la vérité, dans la parole. Donc ça ne veut pas dire que mais nous étions assis à deux. Mais c'est terrible. Donc il n'y a rien ici qui dit que Aquilas a parlé, a enseigné à Apollos, à l'autre a enseigné. Et il y a une règle de l'écriture que les docteurs, des théologiens eux-mêmes ont appris et apprennent dans les écoles de théologie, c'est que les passages clairs de l'écriture doivent être utilisés pour éclairer ceux qui ne sont pas. Donc, les passages clairs comme 1 Timothée chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 14 devaient être utilisés pour éclairer ceci. Alléluia. Donc, il n'y a rien dans cette écriture encore qui dise que Aquilas, que Priscille enseigne, encore moins, il n'y a rien qui dit qu'elle était pasteur. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, allons dans 1 Corinthiens. Gardez-le sur le doigt dans l'île des Actes des Apôtres parce qu'on va y revenir là abondamment. 1 Corinthiens chapitre 16, c'est normal même que nous abandonnons là-bas, que nous abordons toujours Actes des Apôtres parce que c'est la fondation de l'église là. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, je crois qu'on a lu ça aujourd'hui également. Regardez, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, que dit alors? Donc, quand on mentionne Aquilas, voyez, Alléluia, Amen. D'autres disent encore que le fait que Priscille est nommé en premier lieu dans Romains chapitre 16, verset 3. Parce que si vous lisez dans Romains chapitre 16, là, Romains au chapitre 16, verset 3, Regardez ce que la Bible déclare pour que vous compreniez comment les gens tournent les Écritures. Verset 3 dit, saluez Prisca, parce que c'est la même personne qu'on a, c'est le Priscille qu'on appelle encore Prisca ici. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Vous voyez. Donc quand d'autres lisent comme ça, on dit le fait qu'on a mentionné Priscille est nommé en premier lieu dans Romains chapitre 13, veut indiquer qu'elle avait une prééminence dans leur ministère. Et bien c'est terrible de voir comment on peut tordre les Saintes Écritures pour satisfaire notre doctrine. Lisons dans ce même acte des apôtres qu'on a lu aujourd'hui, verset chapitre 18, verset 24 à 26, nous voyons qu'on parle de. Là-bas, il est cité Apollo, Aquila et Priscille. Et dans 1 Corinthiens 16, qu'on a lu là, verset 19, dit que salut Aquila et Priscille, et l'église qui est dans leur maison salue abondamment. Donc, que dit? Donc, quand on mentionne Aquila en premier lieu, cela veut dire que ce jour-là ou cette période-là, c'est lui qui avait la prééminence, la première place dans le ministère. C'est terrible. Donc, je vais montrer dans les Écritures que du Nouveau Testament, l'ordre de ce nom n'a rien à voir dans l'ordre du ministère. Si vous prenez par exemple Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 2 dit ceci, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Remarquez bien la position. Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Regardez le verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là ils embarquaient pour l'île de Chypre. Vous avez vu? Donc, dans le verset 2, Barnabas, le nom de Barnabas est mis en premier lieu. Dans le verset 4, même chose. Vous avez vu cela? Maintenant, alors au chapitre 14, chapitre 16, même de ce même chapitre 13, c'est pas croyable. Verset 16 de ce chapitre 13 dit: Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, homme israélite et vous qui craignez Dieu, écoutez. Donc vous voyez très bien que lorsqu'il partait dans la synagogue, c'est Paul qui parlait. Parce que la Bible déclare au chapitre 14 que celui qui portait la parole. Alors chapitre 14 justement, le verset 1 dit, à Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crut. Donc vous voyez qu'au chapitre 14, l'apôtre Paul, qui a Saul et Barnabas qui ont été envoyés, ici on commence à parler de Paul et Barnabas. Donc, avec ce même procès, avec à quel est précis, vous voulez, les gens veulent tordre le sens des chrétiens en disant que, comme on a mentionné Prisca là-bas au chapitre 16 de Romains, verset 3, que salut Prisca et Aquila, ça veut dire qu'il avait la prééminence. Donc, vous voulez dire qu'au chapitre 13, c'était Barnabas qui avait la prééminence. Au chapitre 14, c'est Barnabas qui avait la prééminence. Que Dieu vient en aide. Chapitre 14, toujours, verset 6 dit, Paul et Barnabas ayant eu connaissance se réfugiaient dans les villes de la Cilicie. Et à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Verset 14 dit, les apôtres Barnabas et Paul, vous voyez, dans le même chapitre, on se dit ça maintenant, Barnabas et Paul. On n'en dit pas plus Paul et Barnabas. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 15, verset 2. Verset 2 dit, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, un vif débat, un vif dispute. Vous avez vu, le verset 25 de ce même livre-là dit clairement, verset 25 du chapitre 15 des Actes des Apôtres, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Donc vous voyez, de temps en temps, on met Paul ou bien Barnabas. Ça n'a pas un sens pour montrer, ça n'a rien à voir avec le ministère. Donc, est-ce que Paul avait la prééminence ou de ce Barnabas? Puisse Dieu avoir pitié de ce que vous débitez de vos pensées babyloniennes et issues de Thyatire. Je profite pour dire que certains pensent aussi que Aquilas et principalement Priscille étaient les pasteurs de l'église qui se réunissaient dans leur maison. Je pose la question suivante. Lorsque quelqu'un ouvre sa maison au Seigneur, comme le dit dans Actes chapitre 16, est-ce que cela fait de cette personne-là le pasteur? Est-ce que dans 1 Timothée, 2 Timothée, titre, la mention des règles pour être évêque là-bas, est-ce qu'il est fait état que, comme condition que quelqu'un ouvre sa maison au Seigneur? C'est ainsi que j'ai entendu un serviteur de Lucifer dire que Kyrie, l'élu des deux gens, était la dirigeante de l'église qui se réunissait chez elle. Et vous posez la question, où est-ce que tu peux chercher cela? Où est-ce que ça se trouve dans ces deux gens? Il ne peut pas vous montrer. En définitive, le cas de Priscille et de Kyrie ne trouve et ne prouve pas que la femme doit diriger une assemblée. Jusqu'ici donc, tous les raisonnements ne fonctionnent pas. Et c'est évident, puisque la parole de Dieu ne peut se contredire. Amen. Avançons avec le deuxième argument. Le deuxième argument qu'avancent souvent les ennemis de la parole et aussi des femmes pasteurs, pastrices, est que les femmes du premier siècle n'étaient pas instruites. Voilà pourquoi Paul ne leur permettait pas, c'est terrible, de prêcher. Amen. Voilà un autre témoignage pour signifier qu'au moins on a compris que dans l'église primitive, la femme n'enseignait pas. Donc si tu es de cette catégorie-ci, c'est au moins vrai que tu as dit que au moins la femme n'enseignait pas. dans l'église primitive, mais tu es en train de tordre seulement pour voir, pour essayer de donner le pourquoi. Tu veux expliquer mieux que Dieu le pourquoi la femme n'enseignait pas. Mais prenons Actes des Apôtres pour voir quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 4. C'est terrible. C'est chapitre 4. D'abord, avant de lire Actes des Apôtres, chapitre 4, là-bas, je te pose d'abord la question. Où est-ce que Dieu a besoin d'instruction pour utiliser quelqu'un? Dites-moi, Dieu a-t-il besoin d'instruction? Que Dieu te vienne en aide. Chapitre 4, verset 12 et 13. Et vous lisez ça chaque fois aussi. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom, autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est Pierre et Jean qui sont allés parler devant le Sanhédrin. Verset 13, maintenant, écoutez très bien. Vous qui déraisonnez dans ce 12e argument, c'est qui pensez que c'est à cause de l'instruction, manque d'instruction. Et c'est justement le fait de l'instruction là qui a fait que les femmes sont venues prendre la position qui ne leur a pas dû. Verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance des pieds et des gens, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il le reconnut pour avoir été avec Jésus. Lorsqu'il marche dans la révélation de la personne parole, tu n'as pas besoin d'avoir des bulletins, des notes, ni des diplômes. Déjà, vos diplômes, la déchirer, ça peut commencer. Donc, c'est justement cette instruction et la soif de la connaissance qui a conduit à autant de d'hérésies qu'on a aujourd'hui. Plus les écoles bibliques s'ouvrent, plus on s'éloigne de la doctrine originelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même grave que les êtres humains de ce siècle soient plus intelligents et cherchent à être plus intelligents que Dieu lui-même. Ils cherchent à aider Dieu et pensent que Dieu va accepter leur école et leur intellectualisme, leur adoration. Leur adoration sera rejetée comme le fut celle de Caïn. Et après, ils n'auront qu'une chose à faire, persécuter ceux qui tiennent ferme à la parole. Maintenant, je me tiens ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour dire à tous ceux qui, dans leur assemblée, ont constaté cette dérive. Vous avez des troubles dans votre âme parce que qu'on foule au pied la parole de Dieu et personne ne semble voir que cela est mal. Mais le Saint-Esprit parle à ton cœur pour montrer que tu n'es pas fait pour ce milieu. Tu parles à tes amis, tu parles à l'assemblée, ta voix n'est pas entendue, même par tes propres amis là-bas, ils te combattent. Tu ne peux pas rester là-bas. Quand un système ne peut être détruit de cette façon-là, sors de là, c'est l'ordre de Dieu. Sors de là, il a dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 6, il a dit ça dans Apocalypse chapitre 18, il a aussi dit ça dans le livre d'Ésaïe. Dieu me demande de te dire que tu n'es pas seul. Retire-toi et cherche la face de Dieu au travers de sa parole dans le jeûne et dans la prière. Que Dieu te bénisse. Courage mon frère, sors. Même si c'est ton père qui a conçu cette dénomination, cet empire familial. Quand tu connais la vérité, c'est pas toi. Amen. Jésus a dit qu'il est venu mettre la division. Oui. C'est pas toi, même si c'est celui qui t'a conduit à Christ, comme tu dis. Ce n'a rien à voir, ce n'est pas de signification biblique. Amen. Donc, prenons le 13e argument. Le 13e argument. Amen. Amen. Amen. C'est d'autres qui soutiennent que Paul parlait dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 14, que les femmes ne doivent pas enseigner, parler aux femmes mariées, donc pas à toutes les femmes. Donc il veut dire que les femmes célibataires, c'est à eux que c'est aux femmes mariées que l'apôtre Paul parlait. Donc ça ne concerne pas les femmes célibataires. Donc une femme célibataire peut être pasteur. Curieusement, même avec ça, ça ne tient pas parce qu'on voit aussi les femmes aujourd'hui qui enseignent, qui sont mariées à un pasteur. C'est terrible. Donc en lisant justement 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 13, les termes grecs, gonaikos, qui sont utilisés par exemple pour la femme dans ce passage là peut effectivement faire référence au mari et à la femme. Je dis gonaikos pour gonaikas pour la femme, vous voyez là, n'est-ce pas? Mais la signification courante des termes utilisés fait référence aussi aux hommes et femmes en général. Par exemple, dans les versets 8 à 10, ce sont les mêmes termes grecs qui sont utilisés. Je pose la question. Par exemple, dans le verset 8, il dit que les hommes doivent élever les mains pures et sans colère. Est-ce que ce sont les hommes mariés qui doivent remplir ces conditions? Réponds. De plus, au verset 9, Paul parle de l'habillement de la femme, comment elle doit s'habiller de façon décente, avec modestie. Oui, n'est-ce pas? Je pose la question. Est-ce seulement les femmes mariées qui doivent se vêtir avec décence? Parce que c'est le même terme grec qui sont utilisés du verset 8 jusqu'au verset 14. Là. Dans le mot grec gonaikas, qui peut désigner épouse ou une femme, dans ce passage de 1 Timothée chapitre 2, vous regardez bien, ne fait penser nullement que Paul s'adressait uniquement aux femmes mariées. Remarquez que Paul dit hommes et femmes. Alléluia. Donc il n'y a rien dans ce passage-là qui dit que c'est pour les hommes mariés, pour les femmes mariées encore. Ce n'est pas pour cela. Il a dit de parler des femmes en général, des hommes en général. Et puis prendre le cas particulier pour la femme qui est sous l'homme. Prenons le 14e argument parce que je vous ai vraiment retenu pour longtemps, mais je vais encore développer cela davantage. Le 14e argument dit, l'argumenteur dit, que c'était un problème lié uniquement à l'église d'Éphèse. Donc, quand nous lisons 1 Timothée chapitre 2, on dit que c'est les liens avec l'Église de Timothée. Quand ça ne va pas, les gens cherchent toujours le sexe de l'ange. Et c'est un problème culturel, comme on a dit aussi pour le cadre des voix dans 1 Corinthiens 11. Et curieusement, la même chose est réitérée dans le cadre de 1 Corinthiens chapitre 14. Puisque dans 1 Corinthiens 14, aux Corinthiens, il a dit que la femme n'enseigne pas. À Éphèse, il a dit que la femme n'enseigne pas. Or, un simple regard dans l'histoire prouve qu'il y avait à l'Éphèse le culte de la déesse Diane ou Artemis, comme on a lu dans Actes chapitre 16 aujourd'hui avec Démétrios. Et dans ce culte-là, les hommes et les femmes étaient des conducteurs. Mais Paul ne fait pas allusion à cela car il n'est pas apôtre de la déesse Diane. Non. Ce qui s'est passé dans le culte païen ne le concernait pas. Il était là pour proclamer les oracles du Dieu Tout-Puissant. C'est pour dire qu'il n'était pas là pour copier les choses chez les païens pour ajouter au culte du vrai Dieu, comme les pasteurs d'aujourd'hui le font sans honte. Ils copient hip-hop chrétien, Miss Master chrétien, pique-nique chrétien, natation chrétien, fan club chrétien, football club chrétien, boîte de nuit chrétien, défilé de mode chrétien, mariage chrétien, danse chrétien, musique chrétien. Vous pouvez arranger la liste comme vous voyez. Donc, il suffit de couper un nom, mettre chrétien là-bas et que ça se christianise. C'est terrible. Donc Paul veut mettre à la lumière le plan de Dieu pour son peuple saint. Souvenez-vous d'Éphésiens au chapitre 4. Si vous lisez Éphésiens chapitre 4, on en a parlé dans un autre enseignement. Il a dit, voici ce que je vous dis, ce que je recommande dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme marchent les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Il dit comme ça au peuple saint. Et dans Lévitique chapitre 18, sous la loi, verset 27 à 30, Dieu avait dit que le peuple saint ne va pas imiter les choses de ce pays-là, les habitants de ce pays, parce que c'est à cause de ces choses-là que le pays les a vomis. S'ils le font, de la même façon, ça va les vomir aussi. Amen. En plus, Paul dit à Timothée, prenez le temps de lire, je vais seulement citer, prenez 2 Timothée chapitre 3, verset 10, puis le verset 14. Prenez aussi 1 Corinthiens 4, les versets 16 à 17. Puis 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1 à 3. Vous allez remarquer, le cas des anciens, aux anciens, puisque c'est à Éphèse ici, aux anciens d'Éphèse, l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, va envoyer des milliers au verset 17, appeler les enfants des milliers, il va envoyer appeler les anciens d'Éphèse. Et au verset 27 et 30, il va dire clairement que je vous annonce tout le conseil de Dieu. Donc, c'est pas la pensée de Paul. Il a dit que je l'ai pu de leur sang qui pèse de même le troupeau de Dieu qui veille sur eux, sur le troupeau que le Saint-Esprit les a établi. Et c'est les instructions qu'il a données aux anciens. C'est les mêmes instructions que Timothée devait citer. Et dans ces 2 Timothée 3, 10, 1 Corinthiens 4, 10 à 17, il dit clairement que Timothée, prenons 1 Corinthiens, nous câble, 1 verset là. 1 Corinthiens 4, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 4, verset 16 et 17. Voyons ce qu'il va dire de Timothée là-bas. Pour que vous compreniez que ce n'est pas n'importe quoi. Regardez bien, verset 17 dit, écoutez bien. Verset 16. Je vous en conjure donc. Ici dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16 et 17. Je vous en conjure donc. Soyez mes imitateurs. 1. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Donc, ce que l'apôtre Paul enseigne, il dit clairement ici là qu'il va enseigner la même chose, il enseigne la même chose dans toutes les églises. C'est pour cela qu'on peut voir cela chez les Corinthiens. Il demande aux femmes de s'habiller, des femmes de se voiler, il demande aux femmes de ne pas enseigner, il demande la même chose dans l'église d'Éphèse. Et c'est la même chose que l'apôtre Timothée aussi marche partout, il enseigne. Et c'est pour cela qu'il a donc dit dans Philippiens chapitre 3, verset 17, qu'on porte les regards sur ceux qui marchent d'après les modèles qu'on a vus en eux. Amen. Amen. Donc, il a dit dans ces chapitre 20 que verset 17 à 30, il a donné des instructions claires que c'était le conseil de Dieu. Alléluia. Donc, on voit pour conclure que c'est un ordre de Dieu, du fait que Dieu a demandé à la femme de ne pas enseigner. Et dans Apocalypse, quand vous voyez la reproche au chapitre 2, verset 20 et suivant, ce n'est pas à l'église d'Éphèse que le Seigneur fait le reproche. Il fait la reproche à l'église de Thyatire. Amen. Parce qu'à cette église, tu dis que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner. Nous ne sommes pas à l'église d'Éphèse là. Donc, vous voyez bien que la volonté parfaite du Seigneur, c'est que la femme n'enseigne pas. Amen. Donc, le 14e argument également tombe là maintenant. Touchons le 15e argument. C'est ça qui est plus profond. Amen. Vous pouvez me donner encore un peu de temps pour vous parler, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Je devais parler de ce 15e argument. Parlons de ce 15e argument. Nous faisons depuis presque 4 là maintenant. Le 15e argument, donc, c'est l'un des arguments les plus subtils, les plus débiles et donc les plus rusés. Voilà pourquoi je l'ai dit en dernier lieu, afin d'entrer un peu plus dans les détails, pour finalement frapper sur la tête du Léviathan, du serpent fuyant. Ce 15e argument, c'est ceux qui prennent les modèles dans l'Ancien Testament. Vous voyez, pour justifier les femmes prédicateurs. Alors, on prend par exemple Athalie, Jézabel, Myriam, Déborah, Hulda, Noadia, la prophétesse d'Ésaïe 8:3, Anne et Luc 2:36, ainsi de suite, pour essayer de coller dans la Bible. D'abord, je vais m'arrêter ici pour vous dire quelque chose. 1. La fonction d'autorité est réservée aux hommes, dont les 5 ministères d'Éphésiens 4:11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. C'est fait pour l'édification, donc ce sont des ministères de conduite spirituelle. Il n'y a pas de femmes apôtres dans le Nouveau Testament, dans l'Église du Seigneur. Il n'y a pas de prophétesse dans l'Église du Seigneur. Il n'y a pas d'évangéliste femme dans l'Église du Seigneur. Il n'y a pas de pasteuse. C'est pas dans l'Église du Seigneur. Il n'y a pas de doctrice. Il n'y a pas ça dans l'Église du Seigneur. Donc, je vais expliquer encore quelque chose. Lorsqu'on parle de pasteur, de prophétesse, les gens confondent la prophétie et le pasteur. Je sais que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, il est écrit clairement qu'au dernier jour, je verserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et c'est là où les gens ont commencé à confondre les choses. Nous voyons effectivement que dans le Nouveau Testament, dans ces Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 8, nous voyons quatre filles vierges de Philippe, l'évangéliste, qui prophétisaient. Or, dans cette même église, nous voyons qu'Agabus est venu pour donner la direction. Elles ont prophétisé, on n'a même pas fait état des choses qu'elles ont prophétisées. Donc, faites vraiment attention. Avoir le don de prophétie ne fait pas de vous des prophètes. Il faut que vous compreniez cela, mesdames, parce que c'est le don spirituel. Le don spirituel est différent du ministère prophétique. Je vais encore redire cela. Amen. Donc, je me souviens bien de cette femme. On a une soeur qui est sortie d'un pays, qui est venue ici. Elle avait chanté des chansons qui passent dans les sans discernement, après la prophétesse telle. On a parlé, j'ai parlé de ces messages. Alors que je priais, l'esprit a été chassé. L'esprit qui faisait qu'elle prophétisait, au-delà, a été chassé. Et curieusement, maintenant, elle ne peut plus prophétiser. Et c'est comme ça dans l'église aujourd'hui. D'autres ont l'esprit des divinations. D'autres sont entrés dans l'eau de baptême sans s'être convertis et ils avaient des initiations sataniques dans leur famille et maintenant ils ont commencé à utiliser l'esprit médiumique pour pouvoir parler de la part. Et chaque fois, ces esprits-là créent les désordres. Les gens ne comprennent pas que l'esprit de Dieu ne peut pas dire le vrai et le faux. Pour le mariage, c'est un problème. Et les personnes prophétisent ainsi par l'Éternel et vivent dans le péché. Mais c'est terrible. Que Dieu vous pardonne. Mais je voulais expliquer donc qu'il n'y a pas dans le Nouveau Testament de prophétesse. Il n'y en a pas. Et je vais encore recommencer une chose pour que vous compreniez très bien. Hébreux chapitre 9 verset 16 nous montre que tant que le testateur ne meurt pas, le testament ne fonctionne pas. Donc le Nouveau Testament commence après la constatation de la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est à partir de là où que ça commence. Et deuxième chose, l'Église naît à partir de Actes des Apôtres chapitre 2. Donc le fonctionnement de l'Église, c'est à partir de Actes des Apôtres chapitre 2 et suivant. Donc si vous philosophez, il n'y a pas de prophétesse dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y en a 6. Il y a Myriam, qui est mentionnée dans Exode chapitre 15, versets 20 à 21. Et dans Nombre, c'est elle qui va faire murmurer Aaron. Ça ne vous a jamais posé des questions, posé des problèmes que on dit clairement que les deux ont murmuré et c'est elle qui a été frappée de lèpre par Aaron. Allez réfléchir pourquoi. Donc, il y a première prophétesse de la Bible, il y a Myriam. Ensuite, il y a Déborah. On va étudier son cas maintenant. Il y a Déborah dans Juges chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. Il y a Hulda, souvenez-vous, je vais donner le nom. Myriam, son nom, ça veut dire, la signification du nom, ça veut dire rébellion, obstination, amertume. Déborah, ça part, ça veut dire raccourci, abeille. Quelle définition? Hulda, ça part, ça veut dire son nom, la définition de son nom, ça veut dire top, c'est une top, donc une infiltrée. Noadia, rencontre avec Dieu, et remarquez bien ce qu'elle va prophétiser dans ses Néhémie, chapitre 6, verset 14. Et il y a une prophétesse dont Isaïe va aller connaître, donc la femme d'Isaïe. Dans le chapitre 8, verset 3, il y a Anne, la grâce, dans l'Ancien Testament, donc dans Luc, chapitre 2, le verset 36. Donc, il dit donc que Hébreux, chapitre 9, le verset 16, dit clairement que tant que le testateur n'est pas mort, on ne peut pas constater le fonctionnement du testament. Donc, Hulda se trouve dans le livre des deux rois, au chapitre 22, verset 14, et 2 Chroniques, chapitre 34, le verset 22. Alors, maintenant, on prend Athalie, on commence à mettre dans les choses de Dieu. Pourtant, Athalie et Jézabel sont les deux femmes les plus en vue au temps des rois et les plus des méchants et mauvais que le monde ait jamais connu. Athalie, lisez son histoire dans le livre des deux rois, chapitre 11, et Jézabel dans 1 roi, au chapitre 16. Regardez même l'origine même de Jézabel et vous verrez que ce n'est même pas une histoire donnée. Donc, avant de continuer, pour prendre le cas de Déborah, parce que les gens qui ouvrent leur ministère maintenant, Déborah ministry, Esther ministry, tel ministry, tel ministry, les femmes ministres maintenant, ministère, c'est terrible. Donc, avant de faire cela, je vais parler d'un autre passage que les gens utilisent pour tordre, c'est le psaume 68, le verset 11. Dans ce psaume 68, le verset 11, Psaume 68, le verset 11, la Bible parle des messagers, des bonnes nouvelles là-bas. Et maintenant, si vous lisez, nous sommes dans les psaumes. Quelqu'un va prendre quelque chose dans les psaumes et on parle de quelque chose qui est passé. Il ne comprend pas d'abord ce qu'on a dit de dire. Et on commence à mettre sur l'église que oh, voilà, les messagers, nous sommes les messagers des bonnes nouvelles. Dieu n'a pas dit dans ce psaume-là qu'il y aura des messagers des bonnes nouvelles. Ce n'est pas une prophétie, c'est quelque chose qui s'est passé. D'abord, la version d'Abi dit, le Seigneur donna la parole, donc c'est passé. Grande fut la foule des femmes qui répandit la bonne nouvelle. Amen. Lisez la King James version française et la version Martin. Mais la version Shuraki dit de ces proverbes, chapitre, dans ces psaumes 68, verset 11, dans cette façon-ci. Adonai, donna ses dits à ses annonciateurs, la milice multiple. Donc, vous voyez, donc, quand on prend une écriture, on veut tordre. Mais toujours dit que ce n'est pas dans le Nouveau Testament et ce n'est pas la parole des apôtres et des prophètes. Ce n'a rien à voir avec les choses de la constitution du Nouveau Testament. Vous ne pouvez pas prendre les choses de l'Ancienne Alliance. Chaque fois que vous allez mixer les choses de l'Ancienne Alliance avec la Nouvelle Alliance, ça ne donnera jamais. Vous allez toujours avoir des confusions. Donc, jusqu'ici, la parole tient debout. La femme ne doit pas enseigner. Elle doit se soumettre. Donc, de toutes les façons, dans l'Ancien Testament, l'autorité, la direction était entre les mains des juges, des rois, des prophètes, des anciens, des chefs des peuples, des sacrificateurs, pas aux femmes. Et le cas où les femmes ont pris le pouvoir est quand les hommes étaient lâches. Dans ce livre d'Ésaïe qu'on a lu aujourd'hui, chapitre 12, que mon peuple a poursuivi pour elle, c'est la femme qui domine. Dans le psaume 68, verset 11, comparé psaume 68, verset 11, avec le Seigneur qui est venu avec sa sainte myriade, dont l'église qui est derrière. Amen. Donc, si nous lisons le cas de Déborah, Déborah, regardons très bien. Amen, bien-aimé. J'espère que vous n'êtes pas fâché. Amen. Donc, je disais tout à l'heure, la vie revenait sur le cadre de Déborah. J'ai dit tout à l'heure qu'en réalité, pour expliquer cette présente chose dans la Bible, on va voir que ceux qui ignoraient la personne de Jésus-Christ et ignoraient les choses de la Bible, ignoraient les choses de l'Église, vont toujours mélanger les choses. La constitution, le fonctionnement et les prescriptions relatives à l'Église est spécifiquement mentionné dans 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Ça, c'est l'ordre à l'Église. Donc, il faut distinguer les deux fonctionnements, Israël et l'Église. Toutes les fois que vous allez chercher les principes dans le culte de l'ombre pour mettre dans la lumière, vous allez faire naufrage. C'est ainsi qu'on limite la construction du temple sous Salomon. Et chacun a son type de temple aujourd'hui, alors que Salomon avait un temple spécifique, avait des choses, des ordonnances spécifiques. Vous allez prendre les consécrations des Lévites dans l'Ancien Testament, et les femmes sont consacrées aujourd'hui, alors que les Lévites n'étaient pas des femmes. Il n'y a pas de femmes Lévites qui enseignaient le peuple. Vous allez voir aujourd'hui les habillements sacerdotaux, et personne parmi eux ne porte les fortes et les plats de Christus sur la poitrine et la tiare avec l'inscription sainteté à l'Éternel. Vraiment, quel embrouille! Il y en a plein comme ça, des choses qu'on a essayé de mélanger à l'église. Pourtant, les premiers chrétiens ne l'ont pas fait. En Actes chapitre 15, quand on a voulu faire ce mélange, le Saint-Esprit et les apôtres ont pris position. Amen. De même aujourd'hui, les vrais serviteurs prennent position pour la parole. Donc ne mélangez pas les écritures, ne mélangez pas les sacerdoces. Laissez le sacerdoce aaronique, laissez le sacerdoce Melchisédek. Je vous encourage à faire volte-face. À arrêter et retourner à la parole. Je vous en supplie, mes bien-aimés frères. Donc, prenons le cas de Déborah. C'est le cas de Déborah qui est le plus en vue, où on parle, parce que beaucoup de personnes parlent de Déborah. C'est dans Juges, chapitre 4. Dans ce temps-là, c'est le temps des juges. Je vais lire rapidement. Je vous ai vraiment retenu pour longtemps. Waouh! Que Dieu vous bénisse pour votre patience. Amen. Donc, beaucoup de personnes prennent Déborah. Ah, Déborah a été juge. Déborah a été juge. C'est terrible. Donc, je vous invite à lire le livre des juges depuis le chapitre 3 pour avancer. Amen. Amen. Amen. Donc, remarquez, si vous lisez Juges chapitre 3, lisons Juges chapitre 3, avons quelques versets. Regardez. 1. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Remarquez bien, Verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oubliaient l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishathaïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Odniel, fils de Kenan, frère cadet de Caleb. Maintenant, souligner l'Éternel leur suscita. C'est ce mot-ci qui va nous donner la révélation de la chose qui se passe en Juges, au chapitre 4. Amen. Verset 12, regardons. On dit que en premier, il a suscité, l'Éternel a suscité Odniel. Ici, le verset 12 dit encore, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Remarquez très bien, verset 15, les enfants, on dit verset 14, et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Eglon, roi de Moab. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel et l'Éternel leur suscita. Souligne encore dans ce verset 15 du chapitre 3, un libérateur, Ehud, fils de Guéra, Benjamin, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyaient par lui un présent à Eglon. Voilà. Vous voyez, donc il y a verset 9, verset 15 que nous sommes en train de voir. Vous y êtes bien aimés? Voilà. Maintenant, regardez très bien. Verset 31 dit, après lui, il y eut Shangai, fils d'Anat. Il bâtit 600 hommes philistins et un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. J'espère que vous voyez. Donc maintenant, vous voyez, pendant ce délai-ci, pendant ces choses-ci, nous sommes au chapitre 4. La Bible déclare que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Ehud fut mort. Vous voyez, après qu'Ehud fut mort. L'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Oreth-Sheth-Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Jabin avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. C'est terrible. Dans ce temps-là, écoutez très bien. Voici le verset 4 qui est révélateur. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Voici ça. On prend, d'abord, avant de lire ceci pour commenter, on prend quelque chose qui concerne Israël. On commence à mettre dans l'église. On dit que c'est la femme. Oh, maintenant, regardez. Elle siégeait sur le palmier de Déborah. Vous voyez, église, ministère Rebecca. Rebecca ministry. C'est aujourd'hui, c'est ce qu'on a maintenant. Voilà ça. Entre Rama et Bethel. Remarquez très bien, entre Rama. Rama, c'était l'endroit où Samuel le faisait. Et Bethel, c'était là où Jacob le faisait. Donc, elle a mis sa part entre eux. Pour s'infiltrer au milieu des hommes. Donc, son ministère au milieu des hommes. Dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. C'est terrible. Souvenez-vous de Ésaïe chapitre 3, verset 12, où Dieu se moque d'Israël. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Neftali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Neftali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, ce sera chef de l'armée de Jabin avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak, écoutez très bien. Écoutez très bien. Barak, nous sommes au verset 7 là, verset 8. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Vous voyez, ceci, c'est la révélation pour montrer comment les hommes n'étaient pas dignes comme le temps de David où les hommes montaient à la guerre. Remarquez, celui-ci est un peureux comme ça, Barak. Je ne sais pas si c'est le type de Barak ou comment qui est ici maintenant. Barak, la Bible déclare que si je viens, il dit que si je ne viens pas, je n'irai pas. Un peureux comme ça. C'est terrible. Verset 9. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Vous voyez, Dieu, pour faire honte à Barak, qui est un homme et qui est un chef de peuple là, dit qu'il va livrer la femme, la gloire à une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Vous voyez, Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kadesh, 10 000 hommes marchaient à sa suite et Déborah partit avec lui. Donc, voilà 10 000 hommes plus le Barak là. Ils sont 10 000 hommes. Maintenant, il faut qu'il y ait une femme au côté. Vous comprenez que à ce moment-là, il y avait des poltrons en Israël. Maintenant, lisez la suite. Allons au chapitre 5 maintenant pour voir ce que Déborah dit maintenant par rapport à cette victoire. Après, remarquez très bien, c'est elle qui ouvre sa bouche pour parler. Chapitre 5. En ce jour-là, Déborah chanta ses cantiques avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Déborah avait dit que ce sont des hommes qui étaient les chefs du peuple d'Israël. Il dit, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez en l'Éternel. Écoutez bien, verset 3. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis des séries, quand tu t'avanças dans des champs des dons, la terre trembla et les cieux se fendirent, et les nuées se fondirent en eau. Écoutez bien, les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoutez bien verset 6, Déborah dit maintenant ce qui est arrivé. Au temps de Shangai, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Déborah vient de dire maintenant que les enfants, ils avaient péché, ils avaient quitté la voie de Dieu. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Vous voyez, donc toute personne qui passait en Israël maintenant ne vivait plus comme Dieu le voulait. Maintenant, verset 7, des chefs étaient sans force en Israël. Sans force, c'est ce que Déborah a dit dans son cantique. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé là-bas avec le verset 8 là, où le poltron des baraques a dit que s'il ne va pas, il ne bouge pas pour aller en guerre. Donc, verset 7 ici, Déborah a dit, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Il a dit maintenant, quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. On s'arrête ici, c'est le verset 7 qui nous donne exactement ce qu'il en est avec le ministère du juge. Donc nous voyons très bien que même les ministères que les gens semblent utiliser maintenant pour justifier dans l'église, ce qui n'est pas déjà compatible avec les alliances, c'est un cas typique ici où les voix étaient détournées, comme il était dit ici, où les hommes étaient dépeurés. Et il dit, les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé, moi. Donc Déborah dit clairement que Dieu ne l'a pas suscité. Vous ne verrez nulle part où Dieu a suscité Déborah, nulle part. Je veux que vous me montrez ce que vous trouvez ces versets. Le verset 7 dit clairement, il dit que c'est elle qui s'est levée. Or, au chapitre 3, on a dit que quand Israël priait, le verset 9, on dit que l'Éternel leur suscita. Donc, ce n'est pas Ornier qui s'était levé pour aller libérer. Au verset 15, ce n'est pas Ehud qui s'était levé pour aller libérer, c'est Dieu qui l'a suscité. Au verset 4, Déborah nous donne la définition que c'est elle-même qui s'est levée. Donc, quand les hommes sont potons, les femmes se lèvent. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est ce que Dieu reproche à l'église de Thyatire quand il dit que ce que j'ai contre, c'est que tu laisses la femme. Tu laisses la femme. Donc les hommes sont des poltrons partout. Donc toi, homme qui laisses les femmes enseigner, toi qui t'assois pour écouter une femme enseigner, tu es un poltron de Bara. Tu es un poltron de l'église de Thyatire. Que le Seigneur te réprimande. Alléluia. Donc l'argument selon lequel Déborah ministre fonctionne aussi n'est pas un argument Satan. Et je vais vous montrer quelque chose. Souvenez-vous ici que Déborah a dit au chapitre 7, au verset 9, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera entre les mains d'une femme. Allons dans le livre d'Hébreu, je vais vous montrer quelque chose. Hébreu chapitre 11. Dans Hébreu chapitre 11, on fait état de cette victoire-ci. Mais on va voir maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit. Regardez chapitre 11. Ce n'est pas qu'on a marginalisé les femmes. Il y a des femmes qui sont nommées dans chapitre 11 parce qu'on a dit que beaucoup de femmes trouvaient leur mort par la résurrection, recouvraient leur mort par la résurrection. On a parlé de Rahab là-bas. On a parlé de Sarah, ainsi de suite. Maintenant, regardons quelques passages. Un passage là, c'est merveilleux, frère. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Au verset 30, on dit des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres filles du vôtre mort. Donc, ce n'est pas ça dont il est question. Remarquez très bien. Remarquez. Le verset 32 de Hébreu 11 dit, et que dirais-je encore, car le temps me manque pour parler, écoutez bien, des Gédéons, des Barak, des Samson, des Jephthé, des David, des Samuel et des prophètes. Donc, le Saint-Esprit vient les mettre comme héros de la foi, Barak, alors que dans le livre des juges, on a dit clairement que la gloire ne devait pas lui revenir, mais c'était une femme. La femme a eu le privilège de tuer, mais c'est Barak qui est resté le chef. C'est lui, il était le conducteur du peuple. Et voilà, le Saint-Esprit témoigne dans le Nouveau Testament que Barak était l'un des héros de la foi. Que Dieu vous bénisse, alors que vous discutiez encore par rapport à cet argument. Donc, finalement, on a passé tous les 15 enseignements, tous les 15 arguments en revue. On n'a vu aucun argument qui tient. Donc, mesdames, messieurs, vous qui laissez les femmes enseigner et vous les femmes qui enseignez, quittez le poste. Oh, le monde des femmes. Regardez ce que les femmes ont fait avec Salomon dans 1 Roi chapitre 11. Proverbe chapitre 3, chapitre 31 verset 3 parle des femmes comme un danger de mort. Au chapitre 30, 31 verset 30, lisez et voyez ce que ça dit comme femme par rapport à la femme qui parle de sa beauté. La beauté est vaine, est trompeuse, n'est-ce pas? Au chapitre 11, je lis ça aujourd'hui verset 22, où la Bible déclare là-bas que la Bible déclare dans Proverbe chapitre 11, verset 22 que comme vous mettez le bouc de nez sur le pourceau là-bas, c'est exactement comme une femme qui est belle et dépourvue de sens. Regardez les femmes rivales dans Proverbe, dans Genèse chapitre 38. Les femmes rivales, et puis encore, ici sont deux sœurs du même ventre qui sont rivales. Regardez dans 1 Samuel chapitre 1, chapitre 2. Regardez Anne et Pénina, comment elles se battent. Regardez Bathsheba, comment elle tourne le derrière son mari jusqu'à ce qu'elle n'ait pas couché pour avoir de l'enfant. Regardez Tama et les fils d'Amon et les conséquences de cela. Regardez les femmes qui se couchent, qui acceptent qu'on les couche dans le lieu de culte. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 22. Et lisez aussi Lamentation chapitre 5, verset 11, où il dit c'est pas fait telle ces choses. Regardez la femme de Job qui a mangé des mets succulents, mais parce qu'il y a un peu de difficulté, elle demande à son mari de voler, de maudire Dieu et mourir. Regardez les femmes même qui portent même jusqu'à voler même les enfants, dans 1 Roi chapitre 16. Mais les femmes sont aussi précieuses au Seigneur, au point que dans la prophétie biblique, elles typifient l'Église, comme je dis aujourd'hui. Regardez, il y a des femmes glorieuses également dans l'Église comme Élise, Dorcas, de Acte 9, Ruth, Phoebé, Esther, Abigail, Persie, Tryphon, Trophime, Lydie, dans Acte chapitre 7, Priscille, la femme de Pierre, la femme de Jacques, la mère de Jésus-Christ de Nazareth, et Marie de Magdala, Marthe, etc. Il y en a tellement, il n'y a pas que des mauvaises. Franchement, mes sœurs, vous pouvez être des personnes précieuses entre les mains du Seigneur. Je vais quand même vous présenter votre place dans le Nouveau Testament. Et alors, quand vous l'aurez entendu, vous pourrez obéir ou désobéir de toutes les façons. Si vous aimez le Seigneur Jésus, vous vous soumettrez à sa parole. Amen. Courage, madame la prophétesse. Courage, madame l'ancienne. Courage, madame la pastrice. Courage, maman pasteur, maman docteur, maman archibishop. Je t'encourage à laisser les honneurs avec ces appellations mondaines et hautaines et à accepter la place et le rôle de que Dieu a pour toi. Ne veux-tu pas réjouir le cœur du Père Céleste? Si c'est oui, alors soumets-toi alors à sa parole. Amen. Je sais que ce n'est pas facile de quitter la foule, de quitter le pupitre, qu'on a toujours eu de la gloire venant des hommes et que les hommes viennent nous féliciter. Maman, parce que ta prédication m'a marqué. Tu m'as béni, ton enseignement m'a béni. Donc, ce n'est pas qu'on ne veut pas de vous dans la prédication, c'est que c'est Dieu qui l'a ordonné ainsi. Même les hommes ne sont pas tous admis à enseigner. Jacques chapitre 3 dit que parmi les hommes qui ont cru que beaucoup de personnes ne se mettent pas à enseigner. Lisez un peu les conditions dans 1 Timothée chapitre 3 et dans Tite. Et dites-moi si les pasteurs même que vous connaissez respectent ces conditions. Je rappelle que c'est aux hommes qu'on écrivait ainsi, c'est pas aux anges. Parce que les gens aujourd'hui, comme tellement il y a le péché, que les gens ne croient plus qu'on peut vivre sans péché, que jusqu'à ce que les gens disent que non, les conditions de la Bible sont difficiles. Et voilà les conditions qu'on a aux prédicateurs. Voilà les conditions des prédicateurs dans 1 Timothée 3 et l'Antique. C'est irréprochable, irrépréhensible. On dit même que pour que quelqu'un soit prédicateur, il faut que son enfant ne soit même pas accusé, même pas qu'il commette le débauche. Mais il y a des femmes de pasteurs, les enfants de pasteurs qui couchent aujourd'hui, qui accouchent à la maison. Ils continuent à prêcher. Puis encore des pasteurs qui divorcent et continuent à prêcher. D'autres pasteurs vivent avec deux femmes. Ils continuent à prêcher et personne ne dit rien. Mais c'est quelle génération ici? Oh, c'est terrible. Seigneur, viens nous chercher. Donc c'est chaud même chez les hommes pasteurs. Finalement, c'est un appel céleste qui n'est pas fait des mains d'hommes. C'est prédestiné. Ce n'est pas quelque chose qu'on devient. On ne devient pas pasteur et autres. C'est Dieu qui a destiné ceux qu'il a connus d'avance. Chacun a son poste. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas appelé de Dieu, s'il vous plaît, quittez cette voie-là. C'est la voie de la perdition. Déchirez vos toges, diplômes, photos de consécration, reste d'huile d'ordination, car ces choses n'ont aucune signification pour Dieu, ni dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je vous aime. C'est pour cela que je vous parle comme ça, en pleurant avec l'âme aux yeux, pour que vous aimiez la parole. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui aiment la parole, qui vont se soumettre. Que Dieu vous aide et qu'il vous revienne vraiment en aide. Donc maintenant, avant de conclure, là, je vais parler maintenant vraiment du rôle précis que le Nouveau Testament parle à la femme. Maintenant, mes chers soeurs, vraiment, vraiment, soumettez-vous à la parole maintenant. Donc, je vais encore relire la Bible. Je vais prendre maintenant la Bible. Amen. Amen. Donc, nous avons lu aujourd'hui, j'ai cité aujourd'hui Luc chapitre 8. On dit qu'il y avait plusieurs femmes qui avaient cité, qui suivaient Jésus-Christ et qui l'aidaient avec leur bien. Nous voyons dans Actes des Apôtres chapitre 9, verset 36, nous voyons le cas de Dorcas qui faisait de bonnes œuvres, qui était parmi les veuves. Nous avons vu dans Romains chapitre 16, verset 1 à 2, le cas de Phoebé qui avait donné aide à Paul et à plusieurs et qui était vraiment une femme digne jusqu'à ce qu'elle pouvait être recommandable. Nous avons lu 1 Pierre chapitre 3 par rapport à la soumission. Et je vous ai dit clairement, et je le dis encore maintenant, vous qui voulez suivre la voie de Dieu, travaillez le verset 4 jusqu'à ce que ça travaille en vous, parce que la Bible déclare que c'est un grand prix devant Dieu. Et c'est la deuxième chose que Dieu dit dans la Bible comme étant un grand prix. On dit que le sang précieux de Jésus-Christ, voilà, n'est-ce pas, maintenant, c'est pour vous maintenant. Maintenant, je vais lire deux passages On a lu ce passage, je vais lire maintenant pour accentuer maintenant et pour mettre dans effectivement le rôle. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la place. La place. La place de la femme en conclusion n'est pas au pupitre. La place de la femme en conclusion n'est pas dans le champ de mission pour aller prêcher. La place de la femme n'est pas d'être pasteur, n'est pas d'être aux commandes. La place de la femme, d'abord, c'est sous son mari. Maintenant, je vais parler du rôle que tu as à jouer en tant que femme. C'est que Dieu demande. Tite chapitre 2. Commençons là-bas. Tite chapitre 2. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a lu les conditions pour les femmes veuves là. On va y revenir dans ce 1 Timothée chapitre 5 et chapitre 3 encore. Regardez bien. Tite chapitre 2. Ce sont les deux passages qu'on va lire. Je vais conclure. Que Dieu vous bénisse. Tite chapitre 2. La Bible déclare à partir du verset 1. Écoutez très bien. Et ici, l'apôtre Paul le recommande à Tite que c'est ça la saine doctrine. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, le Saint-Esprit me dit de vous dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Je vais lire ici ce que le Saint-Esprit a demandé de lire. Et vous avez ça dans votre Bible. Ouvrez seulement. Lisez et vous-même voyez ce qu'il en a dit. Que Dieu vous bénisse. Dis que les vieillards doivent être honnêtes, doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Ça ne vous concerne pas, c'est pour les hommes âgés. Maintenant, voici le verset 3 au 5, c'est pour les femmes. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Aussi. Donc, on vous a trompé en disant que Dieu ne regarde qu'au cœur. La Bible déclare qu'il regarde aussi, c'est à l'extérieur, parce qu'on a dit que c'est la sainte doctrine. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être un, ni médisant. Qu'est-ce que vous gâtez? Vous avez gâté les foyers des gens. Vous bavardez par ci, bavardez par là. Ni à donner au vin. C'est grave. Les femmes qui boivent jusqu'à ce qu'elles soient même dans le caniveau. Qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Souligner qu'elles doivent. Donc, remarquez très bien comment Dieu interdit et Dieu active. Ici, dans ce verset 3, la dernière partie de la Bible déclare que la femme doit donner de bonnes instructions. Ici, c'est un devoir que vous devez faire. On n'a pas dit que vous pouvez donner. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez la différence? Donc, la femme ne peut enseigner. La femme ne doit pas enseigner. Mais ici, la femme doit donner de bonnes instructions. Pas n'importe quelle instruction. Il dit, et voici donc votre rôle, mes chères sœurs. Et la Bible oriente votre rôle exactement là où vous devez donner les bonnes instructions. Il n'a pas dit c'est au pupitre, il n'a pas dit c'est dans l'église du Seigneur. Il a dit qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Donc mes chères femmes, le rôle de la femme premièrement, c'est d'enseigner les femmes pour leur foyer. Souvenez-vous, elles doivent être âgées. Mais ce sont les femmes âgées, c'est-à-dire les femmes qui sont matures dans la foi. Et la Bible déclare plus rien que ainsi c'est pareil autrefois les saintes femmes qui font profession de servir Dieu. Et la Bible déclare ici que ces femmes-là doivent donner de bonnes instructions. Elles doivent d'abord bien s'habiller. Parce que si tu t'habilles avec ton nombril dehors, ton dos dehors, avec ton corps enflé comme les roues de Michelin, tu vas seulement amener à acheter ces vêtements sexy à la mamie Wata de bikini là-bas aux jeunes filles. Il dit que tu vas d'abord bien t'habiller, puis tu vas donner de bonnes instructions. Parce que le modèle, c'est toi. Donc maintenant, elle dit dans le but, écoutez très bien. Quand Dieu dit qu'elle doit donner de bonnes instructions dans le but, Dieu vient d'orienter la direction de votre instruction que vous devez donner. Il dit dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, le rôle d'après le Nouveau Testament de la femme, c'est dans la maison. Amen. Je sais que ça, vous ne supportez pas ça parce que vous avez trop fréquenté, ou bien on vous a dit des choses, vous avez des potentiels, vous avez le Saint-Esprit en vous. Votre Saint-Esprit, comme si le Saint-Esprit du 21e siècle, seulement que vous sortiez. Mais ces femmes dont on parlait dans le Nouveau Testament, elles étaient remplies du Saint-Esprit. Marie avait été remplie du Saint-Esprit à la chambre haute et l'authentique Saint-Esprit. La Bible déclare qu'ils s'est mis tous à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait. Donc elle a parlé en langue. Les martes et autres ont parlé en langue. Mais on ne voit nulle part où ils sont sortis pour aller prêcher. L'apôtre Pierre était marié, l'apôtre Jean était marié. On n'a même pas fait mention de leur nom. Comme aujourd'hui, on voit les personnes qui font le grand tableau avec la photo de leur femme dehors. Révérend docteur, missus, en prophétesse, ici, pour présenter les choses. Donc Dieu a changé entre temps. Donc nous voyons ici, on dit clairement que la femme les femmes doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Donc votre ministère est principalement, selon le Nouveau Testament, les femmes, votre ministère est principalement 1. Orienté vers l'aide, 2. Vers l'enseignement des jeunes filles. Voilà les deux que vous avez pleinement dans le Nouveau Testament. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Si vous êtes divorcé, et les pasteurs, il y a des femmes pasteurs qui ont divorcé. Pendant que je n'ai pas parlé, maintenant, il y a une femme pasteur qui couche avec des membres de son église. Et son mari connaît. Et il est dérangé à l'intérieur. Que Dieu te vienne en aide. Cherche la paix avec le Seigneur avant qu'il ne se fasse trop tard. Donc, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Vous entendez? Maintenant, écoutez très bien. à être, le but de la continuer, à être retenu chaste. Ouais, pourquoi dans 1 Pierre chapitre 3, il parlait de la chasteté. Donc il faut que toi-même d'abord tu vives cela. C'est exactement la même chose qu'il a demandé aux diacres, aux évêques dans 1 Timothée 3 et Tite. Par rapport aux, parce qu'il faut qu'ils soient eux-mêmes, les conducteurs doivent être le modèle du troupeau. Vous savez, c'est, n'est-ce pas? Il dit à être retenu chaste, occupé aux soins domestiques. Donc, femme pasteur, quittez le titre et allez apprendre à vivre à la maison. Regardez bien, vous montez, vous descendez, c'est pas moi, c'est la Bible, c'est écrit là-bas. Donc, votre ministère, c'est dans le foyer. Combien sont parmi vous qui ne connaissez même pas comment l'enfant mange? Parce que vous êtes tellement rempli, vous êtes pas, vous voulez marcher pour qu'on vous voit. Et c'est comme ça que vos maris couchent avec les bonnes. C'est comme ça que vos maris couchent avec les soeurs réglées, parce qu'on ne prenait pas le temps de prendre soin de votre mari. Après, vous allez crier, vous commencez à porter les maladies amenées. Après, dire que Dieu l'âme n'existe pas. Parce que vous avez quitté votre territoire. Vous avez quitté le territoire. Votre grand-mère, Eve, a quitté le territoire dès l'enfance, dès la création. Dieu a dit que ne faites plus ça. Donc, si tu es obéissant, suis la voix de Sarah, pas la voix de Eve. Donc, la Bible déclare ici que la femme âgée doit donner des bonnes instructions. Donc, tu ne dois pas seulement parler de blablabla. Tu dois vivre et donner de la bonne instruction dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, tu vois, le ministère de l'amour des maris et des femmes et des enfants, à être retenu chaste, occupé aux soins domestiques. Si toi-même, tu es en l'air, avec les talons que tu mènes là-bas, tu balances des fesses pour sortir assis par là, dans la réunion mondaine, les choses qu'on a mis pour la contribution, pour dire que tu as soutenu ton mari dans le ministère, c'est pas comme ça qu'on soutient ton mari dans le ministère. Dieu dit ici que tu dois soutenir ton mari dans le ministère en restant à la maison pour s'occuper des enfants, pour veiller pour l'éducation de les enfants. Il est occupé aux soins domestiques, bonne encore, soumise à leur mari. La Bible déclare afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous voyez? Et justement, beaucoup de couples comme ça, parce qu'ils ne connaissent pas ça, parce que les pasteurs n'ont pas appris cela à leur femme, voilà comment le nom de Dieu est blasphémé. Vous entendez que telle personne a divorcé de sa femme parce qu'il est dans tel pays, son mari est dans tel pays, elle est dans tel pays, son mari est dans tel pays, ils sont là pour le ministère. Parce qu'ils veulent suivre l'entreprise de l'argent. Là, par là-bas, elle sort avec les garçons, son mari sort avec les garçons aussi. Ils disent qu'ils servent Dieu. Et ils montrent la façade de la piété aux gens alors que ce sont des abominables. Donc Dieu dit ici que si elles ne font pas ça, la parole de Dieu sera blasphémée. Et ô combien les gens ont blasphémé la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Donc, voici là où le ministère de la femme est présenté. Je prie que tu ailles dans la Bible, toi-même avec le Seigneur, que Dieu te brise afin que tu rentres dans ta maison. Va dans ta maison maintenant, commence à nettoyer toi-même ton plan. Des femmes pasteurs rentrent, c'est les bonnes qui laissent lui et sa femme. Mais c'est terrible, la femme pasteur et la maman pasteur, le père pasteur, alors que c'est lui, elle qui doit servir son mari. Tu dois t'occuper du soin domestique. Il y a des cuillères à la maison, tu ne sais pas où ça se trouve, le gobelet, tu ne sais pas où ça se trouve, tellement c'est la bonne qui contrôle la maison. Et beaucoup de bonnes sont comme ça. Satan connaît ces choses-là. Beaucoup de personnes qui viennent travailler à la maison sont des sorcières, des païens, des sorcières, même des chrétiens infiltrés, des sorcières. On vient former tes enfants, après tes enfants sont rebelles. Et vous ne comprenez pas que les conditions, même sur les enfants, la façon que les enfants grandissent, Dieu va demander des comptes. Voilà pourquoi Dieu a mis l'une des conditions pour ceux qui dirigent, que les enfants doivent être soumis, doivent être non rebelles, non pas accusés d'être rebelles et débauchés. Et ces faux enfants vivent comme ça. Les enfants se masturbent entre eux, couchent avec les bons en la maison. Et vous changez de ministère, vous fuyez, vous allez dans les endroits pour vous cacher, qu'on ne sache pas que ça se... Mais Dieu va vous livrer un spectacle. Donc voici le ministère de la femme. Le ministère des femmes, c'est dans la maison. Dans la maison. Dans la maison. Chapitre 3 de 1 Timothée. Chapitre 2 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Écoutez très bien. Verset 11. Les femmes des mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Vous avez vu, voilà les femmes, pour que les femmes les diaconesses, vous devez être fidèles en toutes choses. Ouais, regardez les maisons des dirigeants. Verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Mais c'est terrible. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Chapitre 5, on a lu ça aujourd'hui. Chapitre 5. Donc lisez cela, on parle des veuves, comment les conditions pour être veuves, vous allez encore voir que ça tourne autour de la maison. Donc la révélation, la profondeur de la révélation du Nouveau Testament, c'est que la femme n'a pas son ministère en public, elle a son ministère dans le silence. Et le ministère dans le silence ne veut pas dire qu'on ne vous voit pas, Dieu vous voit. Ce n'est pas que la foule vous voit, c'est que Dieu vous voit. Amen. Amen. Donc, mes soeurs, mes femmes pasteurs, là, pasteuses, Dieu dans son conseil a une place et un rôle pour vous. Restez alors à votre place. Il vous aime. Voilà pourquoi il suscite des gens pour vous avertir afin que Si vous, vous êtes écarté de la parole, vous y revenez. En définitive, la Bible parle de deux styles de femmes. Pour conclure, les femmes vertueuses et les femmes, la femme vertueuse et la femme insensée. Là où tu me trouves maintenant, là où tu m'écoutes maintenant, tu es soit une femme vertueuse, soit une femme insensée. Les femmes vertueuses auront toujours leur place sous l'homme, comme Proverbe chapitre 31 à partir du verset 10 le dit. Et elles ont une image finale identique à l'épouse de Christ, de Jésus, selon Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 8. Amen. Alors que les femmes insensées, comme la Bible déclare dans ce Proverbe chapitre 14, verset 1, que la femme insensée bâtit elle-même sa propre, détruit sa propre maison. Les femmes insensées détruisent leur maison à cause de leur rébellion. Et elles sont finalement l'image de la femme de Satan, de l'Antichrist, d'Apocalypse chapitre 17. D'ailleurs, les descriptions des habillements des deux femmes d'Apocalypse 19 et 17 sont clairement différentes. Donc, même votre façon de vous habiller maintenant, alors que tu m'écoutes maintenant, tes strings, tes talons, tes rouges à lèvres, tes phares, tes cils, tes lentilles de contact, tes lentilles de bombardement là, tes trucs que tu coiffes, tes trucs, les pantalons qui te serrent le corps, le juste corps avec le juste bas, toutes ces choses là montrent clairement que tu appartiens au groupe de la révélation de l'épouse de Satan de Apocalypse 17. Mais observe l'habillement de la sainte, des saintes femmes de la Bible et observe l'habillement de l'épouse de Christ là, d'Apocalypse chapitre 19 verset 6 et suivant. Donc même ta façon dont tu t'habilles montre que c'est quelle femme tu as. En tant que femme, montre celui qui domine et dominera sur toi, Satan ou Jésus. Je prie donc que le Seigneur te conduise dans la vérité. Je prie donc que tu demandes pardon si tu étais dans un ministère où on te conduisait. Souviens-toi, vous qui avez le cahier des prophéties, vous qui dites que prophétesse, vous savez, si Dieu parle à votre conscience maintenant, si tu sais que tu as donné des choses aux gens qui ont été fausses et d'autres ont été vraies, ne t'appuie pas sur ce qui était vrai parce que Satan peut le faire. Appuie-toi sur ce qui était faux pour montrer que l'Esprit de Dieu ne peut pas dire vrai et faux. Alors c'est un signe pour te montrer que tu es dans l'égarement. Quitte cette voie. Puisse le Seigneur Jésus-Christ vous conduire dans la vérité par son esprit. Je vous aime. À bientôt pour d'autres enseignements. Que le Seigneur vous bénisse.